C'est moi le personnage principal de cette aventure. Oui. Non, le personnage principal de cette aventure, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, le personnage principal, on ne savait pas. Dans tous les cas, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour notre sixième séance de Dungeon World avec la petite équipe ici présente. Bonne année! Bonne année! Joyeux Spock! Joyeux Thanksgiving! Qui veut un café? Moi! Voilà, donc on va continuer notre aventure qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. Hein. Là pour le coup on joue quasiment un peu coup sur coup, pas loin. Donc vas-y, qui veut faire un petit récap de la dernière séance? Pas tous en même temps, on risquerait pas de comprendre. J'ai été brillant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On est tombé sur tout le team. Précédemment, notre bande de héros émaciés. J'ai pas mon esprit avec moi. Et merci, Céline. Notre bande de héros émaciés et courageux s'est lancée à l'aventure pour aller dans le donjon que Heinrich avait découvert afin d'aller récupérer le trésor avant son collègue qui, de toute façon, pensait qu'il était mort, mais il ne l'est pas vraiment. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est le donjon de pas Hulbuck. Oui, voilà. Pardon. Et on a pris avec nous deux clampins qui serviront de bouclier, enfin c'est des clampins. Et nous sommes partis dans le donjon, situé dans un terrible cimetière, dans lequel on a trouvé des murs avec des loutres dessus, on a appuyé sur les loutres, ça ouvre des portes. Et ça, ça a actionné aussi le jet d'eau des toilettes. Ouais, et je me suis touché la loutre. Oui, on a flush un chultiste, dans les WC parce qu'il était coincé. Le pauvre homme. Mais nous sommes tombés sur les chambres de la terrible Lich Tultutim et l'arbitre a, pendant un bref instant, disparu de l'existence. Avant de réapparaître, juste avant la confrontation finale. Personne ne sait pourquoi il a disparu. Oui, voilà. Honnêtement, même lui. Il a peut-être été victime d'un sort de perte de connexion. Ça où il a accidentellement tapé dans un câble de connexion situé sous son bureau, mais ce qui serait complètement illogique parce que c'est un grand mec en armure et qu'il n'avait pas de bureau à ce moment-là, c'est complètement bizarre. Bah oui, voyons. Voilà, bon, vous êtes rentré dans cette tombe. C'est ce mausolée qui apparemment doit contenir un trésor selon Heinrich. Selon les dires vous aviez surtout rencontré des pièges des différentes manières pour essayer d'ouvrir la les portes du tombeau, vous avez réussi à découvrir qu'il y avait des pièges, à les éviter. Vous avez quand même recherché un peu avant de tomber sur la liche Tultutim. Vous avez quand même fait quelques recherches. Entre autres, Selene a trouvé quand même 2-3 trucs avec Heinrich. Vous avez trouvé les restes d'un druide apparemment et plusieurs statues montrant aussi ce qui semble être des druides. Voilà. Tu avais récupéré sur le druide mort un bracelet et des clés Heinrich et tu avais de ton côté Céline, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais je vais le repréciser. Tu n'as pas ton esprit actuellement parce que celle-ci est partie interroger les morts. En fait, est partie dans un autre plan pour interroger les morts ou que, enfin, tu sais pas trop qui d'autre en fait. tu penses que ça va être les morts, mais pour savoir bah, qui est ce fameux druide de retrouver à terre. Je rappelle également que avant d'arriver dans ce lieu, vous aviez aussi eu peut-être la possibilité d'aller vous battre contre un monstre, chose que vous avez décidé de faire après, apparemment. Et que vous savez qu'il y a le courtier de l'ombre aussi qui apparemment se déplace un peu partout, et donc c'est lui qui donne les primes sur les monstres. Et dernier point aussi, parce que c'est quelque chose d'important, vous aviez vous aviez aussi entendu des bruits de combat avant de rentrer dans le mausolée. Et donc vous êtes arrivé dans la fameuse dans la fameuse pièce ici présente, et en montant, en rentrant dedans et en montant la première marche, en fait, alors je ne sais plus qui est le premier à avoir marché, hein. C'était moi. C'était toi. Ça a perturbé le corps qui était en face de vous, qui se trouvait être une liche, et qui se prénomme apparemment Toultoutim. En tout cas, c'est comme ça qu'elle s'est présentée quand elle a fait son grand speech de méchant. Voilà. Et on s'était arrêté là parce que un combat va sûrement se passer, et pas un combat simple pour vous, je vous le dis tout de suite. Ah c'est le MJ qui l'a dit. C'est à vous. C'est que du bullshit. Oui, c'est peut-être du bullshit, comme ça ne pourrait peut-être pas l'être au vu de ce que je vois. Il va drop comme un sac de peut-être. Oui, oui. Vu l'ancienneté du corps, il peut pas avoir plus de 3 HP. Oui, oui. Ah mais vas-y, mais tape dans la jambe, de toute façon il va s'effondrer tout seul. C'est ça. Oui, oui. Donc, c'est... c'est à vous en fait de un peu réagir. Voilà, elle a fait un peu son speech, tout ça. Enfin, en mode, c'est qui êtes-vous pour avoir réveillé la liche Toultoutim? Oui, et moi je rappelle que j'avais répondu, je suis Heinrich Fuchscroft. C'est vrai. Oui, oui. Je m'en rappelle bien. De toute façon, tu gueules toujours ton nom. Toi, c'est genre, c'est désolé de fou dérangé. C'était pas fait exprès. En fait, c'est Heinrich Fuchscroft, c'est John Cena, quoi. C'est Say My Name, quoi. Enfin, bon. Ou plutôt, contrairement à John Cena, il est réellement invisible parce qu'on le voit jamais en combat. Donc. Je m'insurge, tu mens. Eh bien, étant donné que je suis sur la première marche, je vais aller monter sur la deuxième marche et je vais lui enfoncer mon poing dans la figure. Parce que personne ne fait de monologue de grand méchant ici à part moi. C'est mon travail. Les saletés de liches immigrées. À la baffe. Gaze into the fist of the amateur. I cast fist. Donc tu choisis quoi en fait parce que comme tu... Ah oui, c'est vrai, pardon. Tu t'exposes là, hein, vu comment tu fais, tu t'exposes. Oui, non, c'est un painting. C'est ça, c'est tout team, qui êtes-vous? Ta gueule. Qui êtes-vous? L'arbitre. Ah, bonjour d'abord. Voilà. Tu fais combien là? 12? 12 en tout, oui. Tu... Et je mets les pieds où je vais, Toultoutim. Et c'est souvent dans la gueule. Et ça se trouve dans ta gueule. Quoi? Je reviendrai ici à chaque fois pour te marcher dessus. Parce que je sais que t'aimes ça au fond. Ouais, alors pour le coup, toi, tu vois que tu lui donnes un coup de poing, comme tu expliquais. Tu touches son torse, enfin voilà, apparemment ses côtes, enfin voilà, ça, clairement, tu vois que la liche est complètement. Enfin, comme oui. Je dis, ça ressemble à une sorte de momie, enfin un peu du genre. Et tu vois que t'as l'impression d'avoir pas fait grand chose, quoi. Clairement, t'es comme si ton poing s'était avait touché mais à un mur de fer, quoi. Et commence à rigoler. Et fait. Ah, il est chatouilleux, c'est son point faible. Tu crois que tu es capable d'abattre tout team avec simplement tes poings? Bon, bah, du coup, moi, pendant qu'il est en train de dire oui, ça. Oui, sauf que avant ça, elle va surtout attaquer parce que tu t'es mis à exposer à son attaque. Alors, donc, je lance. Hop. Tu prends 7, mais sans armure. Direct. C'est de la triche. Ah, ouch. Sinon, c'est tout. D'accord, ok. C'est tout, c'est le truc. Tu vois qu'en fait, elle a levé sa main, et de sa main, en fait, elle tire une sorte de trait violet, en fait, qui te touche directement. Et voilà, passe à travers ton armure, comme si c'était du beurre, quoi. Tant mieux, la gloire n'en sera que plus grande quand je le tuerai. Avec mes poings. Et vous avez demandé une liche, hein. Moi, je vous donne une liche. J'avais qu'à demander la liche. Oui, bah, t'avais qu'à pas venir avec nous, hein. Maintenant, t'as alors, du coup, moi, avec étant donné qu'on est un petit peu en concours de bites dans ma tête avec l'arbitre, le voyant échouer, il fait « Ah, amateur !» dit-il en courant avec sa hache à deux mains. J'attends le 2. Vas-y, je t'en prie. Alors, départ. J'ai plus de sang, moi, au fait. J'ai plus rien, je sais plus comment. Ah non, tu utilisé. Ouais, ouais. T'avais fait en sorte de. Et je sais plus comment ça s'utilise, faudrait que je relise. Ah bah, si vous obtenez un résultat de 6 points sur n'importe quelle action. Ah d'accord, bah, vu qu'hier j'ai fait que des bons jets. Bon, bah. Taillé en pièces, hein. Vas-y, rate pour l'humour. C'est... Pour le grand jeu, ah voyons. Ça passe. Ça passe. Tu vois que t'as ta fameuse hache qui semble déraper, en fait, sur un os, mais sans rien lui faire. Tu vois qu'il est. Normalement ça aurait éclaté l'os. Toi, tu vois que il y a rien, voilà, il y a même pas genre la poussière qui était sur les os est encore là, quoi. Toi, c'est ça, t'as même pas enlevé la poussière, quoi. La liche rigole de plus belle. Ça doit vraiment pas être pratique de pas pouvoir s'épousseter quand même, hein. Oui, mais est-ce qu'elle a vraiment besoin? Non, mais au bout d'un moment, il y a des standards. Épouche-toi de là. Et tu vois que toi, elle rigole et de l'autre main, elle te vise et tu prends 11 dégâts. Ouh. Ah, je vous ai dit que ça a l'air d'avoir mal. Double esquive. Ah non, c'est direct, ouais. Hein, c'est t'as taillé en pièces, tu t'es mis en danger, puis voilà. Ouais, ça m'a arraché la moitié de mes HP quand même, hein. D'ailleurs, là, je me rends compte que l'action prenait pas en compte mon bonus de force, elle prenait un de plus. Juste. Elle prenait un de plus, bon, bah. Ouais, voilà. Sérieusement, je peux vous le donner, celui-là, y a pas de souci. Hein. Tu prends ou tu prends pas, hein, c'est comme tu veux. Tu... Donc tu vois qui rigole, toi, comme je dis, de plus belle, lance un nouveau trait violet dans ta direction et te touche. Ah, que je prends de plein fouet. Hein. Oui, bah apparemment, ouais, tu prends de plein fouet. Alors est-ce que t'as un mouvement de recul ou tu prends direct? Enfin voilà, je sais pas trop comment tu réagis à ça, quoi. Bah elle fait ça avec ses mains, du coup, comme si elle faisait. Ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est toi, elle tend la main et genre t'as un trait, tu sais, un genre petit missile magique violet en fait qui te touche, quoi. Paf, Ah bah vu comment que le missile magique m'a touché, oui, je pense que je vais réagir en tombant le cul par terre, hein, à 3-4 mètres de plus loin, tu vois. Je pense que ça me paraît crédible avec ce que je viens de prendre dans la gueule, là. Oui, c'est possible. Tiens, je savais pas que Klaus avait des dons d'acrobate. Je savais pas qu'il subissait la douleur comme un faible. Et pour le je coup, fous sans merde. Nah, ça m'a pris une dizaine d'années pour apprendre les bons rituels. Ce n'est pas de simples petits cafards comme vous qui allez m'embêter. Oui, alors non, cafard, ça va pas aller, monsieur. Ah, il arrive post cramp. Pas cafard. Voilà, pas cafard. Je m'assure. Je m'assure. D'ailleurs, là, vous m'avez insulté, et du coup, vous avez mis mon copain en colère. Il va vous casser la gueule. Tu parles de quel copain, du coup? En pointant vers Arbiter. Ah, je m'en doutais un peu. Toi, il rigole de nouveau et fait. Ah, vous me faites bien rire. Je verrai la fin de cet âge et le commencement d'un nouveau. Le cosmos. C'est vraiment qu'il est là. Le cosmos. Tu connais pas le cosmos. Elle est encore un peu grippée. Donc bon, plus sérieusement, sinon, parce que c'est très drôle de faire du bolter avec la liche, mais. Il me semblait, comme tu l'as décrit la dernière fois avant que le combat se lance, qu'il tenait des choses en main. Donc. Qu'est-ce que j'avais dit? Je t'avoue, je me souviens même plus. J'ai oublié de le noter, ce truc-là. Oui. Il tient des trucs en main, tout à fait. Tout à fait. Il a une baguette de missile magique et et un rod of immortality. Merde, j'ai cru que c'était son doigt. Oui. Alors laisse-moi me souvenir de la chose. Je te demande 2 secondes. Une, deux, fini. Merci. Ouais, ah non mais c'est le summum du drôle, hein. C'est. Ouh. Bah, je crois qu'on a tout cramé avant la séance. Hein. Ouais, putain, parce que les trois fromages. Ah ouais. Ils auraient pu en faire une chanson. Ouais. En Galilée. C'est en Galilée, ça. C'est ça. donc oui, tu as. Putain, je l'ai noté, mais sauf que j'ai noté ça ailleurs. Et bien sûr. Voilà, bon, tu vois qu'un objet qui. Correspondrait peut-être à l'objet que tu recherches. Ah, un MacGuffin. Voilà. Non mais c'est pour le coup, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, mais je me souviens plus ce qu'on avait dit. Oui, donc non mais moi non plus. Du coup, il a un MacGuffin en main, c'est très bien. Voilà. Du basilic ou un truc comme ça, non? Ah mais oui, c'était voilà, le. Ah c'est le... ça. Eh ben voilà. Mais d'aromatiser tous les plats. Ouais voilà. le totem du basilic pour les trois fromages. Eh ben évidemment. Voilà. Oui, les trois fromages dont leur chef Gaspard Savoureux. Elles sont comme Irémy. Bon, du coup, j'attrape mon fouet d'une main extrêmement habile et experte, je je lui fais lâcher le totem. Ça, coup de fouet. Coup de fouet, succès partiel. Donc choisissez une option dans la liste ci-dessous. Donc tu l'as fait tomber le totem, c'est ça? Tu déplaces. Voilà. Non, sans cet artefact, je ne pourrai jamais recréer la sauce trois fromages de ma grand-mère. Ok, bah tu vois qu'en fait le totem en fait le qu'il avait tombe à ses pieds, roule, tombe voilà sur la première marche, continue, paf, et en fait s'arrête à la sur la deuxième et dessous dans l'eau en fait. Donc voilà, et salut Cécil. On n'a pas les petites, on n'a pas les pastilles. Pastilles Discord. Ah, elle n'a pas l'overlay. Ah, les pastilles Discord, oui, c'est vrai, elles sont pas activées, c'est bizarre. Elles ont disparu. Comme nous allons le faire avec Mais de toute façon, il y a toujours un truc qui ne va pas. À chaque fois, c'est un truc de fou. C'est un rituel. Oui, j'aimerais bien que ça arrive sur le rituel. Très bien. Bah, c'est pas grave. Je vais essayer de chercher en même temps. Oui. Alors, donc tu vois le totem tomber, rouler jusqu'à voilà. À côté du pied de l'arbitre et ainsi de suite jusqu'à voilà, sur le sol, sur le dos, à côté de là. Sur, ouais. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Il doit tomber par ici. Tu vois que la comment pour le coup tout team. Toi, tu vois que ça l'a gêné, mais n'a pas fait plus attention que ça en fait au fait de l'avoir perdu. Il est plus dans son délire quoi de faire face aux deux guerriers tranquillement toi avec parfait avec, tout se déroule comme prévu. All according to the plan. Donc de notre côté, Célène. Oui. Bah moi, de mon côté, je vais faire deux pas en arrière, tenir fermement mon bâton et essayer d'entrer en communication avec mon esprit. Pour qu'elle revienne vite fait. Machine, ce sera l'heure de revenir, là. Pendant ce temps, dans l'outre-monde. Oui, et c'est là que du coup, en fait... Attends, j'ai un appel. C'est ça. C'est là que la loutre, en fait, avec son poisson... Ah, il y a l'autre qui appelle. Tu dois le prendre, c'est important, excuse. Yep, bah pour le coup... est-ce que t'as un... ouais, alors, on avait fait quoi? On avait utilisé quel... est-ce qu'on avait utilisé... un jet particulier la dernière fois je crois qu'on avait utilisé on avait fait un jet sur la sagesse de souvenirs ouais, je pense. Pour voir si c'était possible pour que tu puisses envoyer ton ouais c'était ça on avait fait un discerner la réalité en fait je crois pour le jet pour l'esprit non c'était un défier le danger je crois. Mais dans tous les cas, c'était sur la sagesse, donc je veux dire. Oui, mais après, oui, lance un G sur le. Non, non, voilà. C'est juste de toute parce façon, que. C'est simple, que... ça va être simple. Un échec, bah, t'arrives pas à la recontacter. Si tu réussis, une réussite, voilà, un 10 plus, elle va venir. Et sur un 9, 7-9, elle viendra, mais je te donnerai une liste de choix possibles, tout ça. Et apparemment, okay. Bah, je crois que c'est pour le coup les petites pastilles Discord, c'est le site en fait qui n'arrive pas à se connecter au Discord client apparemment, mais je sais pas pourquoi. Donc des sagesses, c'est ça? 2d6 plus sagesse, ouais. Bah, sur 7, je peux appuyer sur le truc sagesse ou je le tape? Tu fais défier le danger et tu cliques sur sagesse tout simplement dans les actions de base. Tu appuies sur ça. Ouais. Oups, c'est pas le bon. Ça c'est pas le bon. Défier le danger mais sur le charisme. Donc c'est celui-là. Échec. Oui, et ça change quoi du coup? Ça change les points d'XP. Tac. Alors. Pour le coup, en fait, tu te mets dans un moment de transe un peu, voilà, pour essayer de la recontacter. Et tu vois que, bah, comme au moment où elle est partie, tu ne ressens vraiment qu'un vide. Mais vraiment, en plus, ça te. En essayant de la chercher, bah, ça fait que tu as encore. Ça te fait peur, en fait. Ouais. Ça. Ah oui, mais oui, je crois savoir pourquoi en fait. Ne quittez pas. C'est le numéro. Attendez, deux secondes. Voilà. On n'était pas dans le bon channel. Tout simplement. Ah ah. Donc je pense que ça devait pas aider. Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais ça va pas aider. Donc oui, et donc en fait ça te fait même peur en fait. Tu ressens en fait, bah, comme je dis, tu ressens un vide et un vide dont tu n'as plus l'habitude en fait. Ouais. Réellement. Mais je suis toute seule. C'est ça, tu. Je suis pas plusieurs dans ma tête. Nous sommes perdus. Sharka, perdu. Perdu. Hélène, ça va? Perdu. Ok. Donc tu as ce vide en toi et. Et tu n'arrives pas à la contacter et tu sais que tu auras clairement du mal à le faire tout de suite ou pas dans enfin tu dis qu'il faut peut-être un peu de tranquillité parce que là ça crie de partout enfin il y a le combat là qui a commencé donc c'est peut-être et un c'est peut-être qui ça pas de gueuler waouh mon basilic. Non. La recette sera perdue à tout jamais, pauvre fou! Gaspard Savoureux nous aura notre tête pour cette transgression! Oui. Donc le. Faut que t'arrêtes la drogue, toi. Non, il faut qu'il continue. La liche, donc tout le tout team. Donc il commence toi à finir de rigoler un peu. Il fait bon, je vais devoir en finir avec vous. Cela me peine beaucoup d'avoir à faire ça, sachez-le, mais voyez-vous, je ne peux pas vous permettre de mettre en danger toutes ces années de recherche. Et vous voyez qu'il semble incanter, commencer à incanter quoi, quelque chose. Ces mots vous glacent un peu quoi. C'est des mots que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas trop d'où ça provient. Ah, 100 grammes de. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça pue du cul. 500 grammes de farine. 200 millilitres d'eau. 3 œufs frais. Et une goutte totale sur le mec. Non. C'est à la voix de Gaspard Savoureux. Non. Oh. Esprit de savoureux. Nous sommes perdus. Aïe, aïe, aïe. C'est trop tard, maintenant c'est canon, il y a un fantôme de Gaspard Savoureux qui se balade, je suis désolé. Et il fait non. C'est ça. Il est dans les cuisines du vieux ping. Dès que le chef est en train de se planter, il va non. En attendant, je vous rappelle juste que vous êtes vraiment dans la merde, hein. Je vous le rappelle quand même. Oui, mais c'est quand je me suis pas invoqué, je me suis dit que la meilleure façon c'est de le distraire. Alors je sors mon arbalète et je tire dessus. Sur l'arbalète ou sur le mec? Tout à fait, je tire sur l'arbalète. Ça fait ch'toing quand tu tires dessus. Par contre, je sais pas si sur quoi, si. Ouais, moi sur la Dex. Ah, hein. Bah y a, c'est. Alors t'as un truc. C'est. Bah c'est pas. Oui, c'est. Salve. Oui, c'est ouais, ça, oui, je sais, mais je savais plus si c'est par défaut. Parce que par défaut, il te le met sur la Dex. Dex, donc ça doit être ça, ouais, 2d6 de Dex. Vous infligez des dégâts, choisissez une option. Vous vous exposez au danger pour tirer, au choix du MJ. Vous tirez au jugé, moins un d6. Vous devez vous y reprendre à plusieurs fois et puis une munition. Moins des 6 dégâts, putain, ça fait chier quand même. Bah, et puis une munition, sinon, c'est, je veux bah dire, ouais, tu vas pas. Non, oui, mais... oui, bah, j'ai plus une munition. Oh la merde! T'en as quelques-unes de J'en ai 3. Voilà, bon. J'ai épuisé une munition en plus. Non! Non, c'est pas possible, l'enfer! C'est l'enfer ici. Très bien. C'est la merde, c'est ça. C'est de la merde! Non! Non! Mais c'est bon. La merde! C'est fini, cette séance va être horrible maintenant. Putain, je veux une guilde des cuistots. Bon, bah oui, alors tu. Oui, voilà, t'as fait une munition. Tu fais 11. Ouais. Je suis tellement désolé là d'avoir astigué ce non, moi sinon ce que j'aimerais bien aussi c'est une fois combattre deux gorgones, une qui s'appelle Zola et une qui s'appelle Ramsey. Mais dis-moi Heinrich, tu es familier avec les deux gardiens secrets de Gaspard Savoureux? Ah, Gorgon Zola et Gorgon Ramsey. Oh putain, j'ai mal aux zygomatiques avec vos conneries. Ouais, moi je pleure. On va pas y arriver. Je vais pouvoir se mettre. On va mourir dans la bonne humeur au moins. Donc oui, alors tu vois son. Bah, décris-moi un peu, ouais. T'arrives à la toucher, tu fais un peu de dégâts, quoi. Mais voilà, décris-moi un peu ce que tu visais, ou enfin voilà. Ah bah je visais le truc le plus facile, hein, vu que j'ai tiré au jugé, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois. Bah du coup, la première est passée à côté de lui, tu vois, s'en est pas trop rendu compte, et la deuxième, ça l'a tapé au niveau du torse, qui reste une arbalète, donc avec un certain impact. Et donc, ça l'a touché, donc ça l'a un peu fait bouger, ça l'a un petit peu... C'est pas, comme s'il perdait l'équilibre, mais pas trop, tu vois. Bah tu... Ouais, ok, bah tu vois qu'en fait, t'as peut-être le carreau qui a cassé une côte et en fait qui restait figé dans la... Voilà, voilà. Du coup, il a dû faire un petit pas de recul, ça a niqué son incantation. Bah, parce tu que j'imagine vois que... qu'il y a une composante gestuelle dans son incantation. Bah tu vois qu'en fait, non, ça semble pas l'avoir plus gêné dans son incantation. Mais, enfin, toi, il s'est reculé, Mais tu vois que ça a l'air d'être un ben, quelqu'un qui un bon. Ouais, il est bien, il est focus. Un bon gars quoi, hein, qui connaît bien, connaît bien ses trucs. C'est un vagabond. Je suis sûr que c'est un bon gave. Mais voilà, non, mais voilà, quelqu'un qui maîtrise les arts occultes et que même la distraction que t'as fait n'a pas eu, enfin, ne semble pas l'avoir gêné, quoi. Pour le coup. Et voyant qu'il a reculé, je vais m'avancer sur lui et. Et je vais essayer de lui choper un bras, lui faire une clé de bras et en profiter pour lui mettre un bon vieux coup dans la gueule au passage, comme on l'a si bien appris en lutte gréco-romaine, en armure lourde, avec des gantelets. Ouais, les cours de dure lutte. C'est ça. I'm on fire. Mais on va jamais y arriver. Et parce que moi je suis pas une petite pédale qui se planque derrière ses arbalètes, je fais un D6 supplémentaire. Ah merde, non, c'est pas comme ça. Ouais, c'est... Pas mal, pas mal. Hein. Au moins moi je sais lancer mes dés quoi. Ouais. Dit-il en cliquant sur un bouton. Donc tu fais 14, c'est ça? Ouais. J'essaie de le gêner dans ses incantations, dans sa gesticulation, tu vois, parce que c'est de la magie, c'est très compliqué. Ok. Tu vois que ton... Bah essayer voilà, de faire ça, la clé de bras, tout ça va un peu le déstabiliser pour le coup. Il s'attendait clairement pas à une prise de catch, hein, clairement. Enfin, voilà. On n'a pas le droit de faire ça encore. C'est... Non mais voilà, il s'attendait plus toi à se faire de nouveau taper ou enfin voilà, il s'attendait plus à prendre des coups. Que réellement se faire maîtriser, bon, bien que tu le maîtrises de façon assez sauvage, donc tu lui fais des dégâts clairement en le faisant, quoi. C'était sans compter sur la sagesse de l'arbitre. Mais. Tira coup sec. Mais tu vois que même toi si, enfin. C'est un truc difficile, mais tu peux pas l'arrêter en fait à incanter parce que comment tu, enfin, tu peux pas l'étouffer pour qu'il évite de continuer de parler en fait. Ok. Ça reste une liche quoi, donc. Si je l'enlève. Je tu vois, voilà quoi. J'espère qu'il va mettre au moins un tour de plus à incanter parce que sinon j'ai pas. Bah, ça dépend. Si tu lui mets ton poing dans sa bouche, il a. Que j'allais faire. Il touffe ma liche. Non, si tu lui mets juste les doigts dans la bouche. Et tu tires un coup sec pour lui enlever la mâchoire. Bon, là, actuellement, il est plus en une prise pour pouvoir éviter qu'il se bat. Mais tu vois qu'elle, voilà, elle avait pas l'air d'apprécier la chose, quoi, en tout cas. Clairement. Là, alors, franchement, ouais, comparé enfin les... voilà au tir de l'arbalète où elle semblait pas avoir trop bougé pour le coup. Voilà, là c'est ça l'a un peu plus emmerdé. Non mais franchement, ouais, je trouve que les gens ils sont de moins en moins civilisés, hein. Tu sais, il fut-il une époque où tout le monde était content de se prendre un petit Ilaria des familles, tu sais, c'est un bonjour quoi, c'est ouais, franchement les jeunes, hein. Donc, oui, sauf que alors, pour le coup, tu t'es. Là. Oui, alors, il peut comment, faire. Comment tu t'es. Comment tu prends. Bah déjà, je comptais sur le fait qu'il était un peu occupé là, en fait. Ouais, mais bon, il reste occupé, con, mais tu t'exposes quand même à l'attaque ennemie. Donc en fait, c'est plus. Peut-être que s'il arrive à balancer son sort, j'aurai un malus pour S'il y a un jet ou je sais pas quoi. Non, tu vas quand même prendre les dégâts. Ça va être plus toi, tu vas sentir toi, genre une aura en fait autour de lui qui te brûle en fait. Et c'est un peu ça qui va. Enfin, qui va. Tu sens en fait la chaleur même à travers ta. Toi, je t'accorde le fait que, bon, par rapport au truc, j'enlève les plus 3. Bon, bah, voilà. Mais il n'y a pas le 13, hein. Ça aurait pu le 13. Je suis un dieu généreux. C'est ça. Au lieu d'être presque mort, tu es presque mort. Ah, bah, mais voilà. Mais clairement, toi, le. Vous, vos attaques combinées ont quand même un peu, voilà, un peu dérangé la bête. On va appeler ça. Attends, il faut juste moi, que moi, je... moi, j'ai une idée. Donc on est d'accord, donc on était à 13. Donc 13 et 14, ça fait 27. Par rapport à... Du coup... Là, je retiens 2 par rapport à l'hypoténuse. on sous-serait l'âge du capitaine. I'm the captain now. Et le cheval blanc d'Henri était... Pi. Gris. Non, Pi. Pi. Ok, non, c'est... Pardon, ouais, si tu m'attendais... Tu vas faire le calcul des dégâts qui sont pris. C'est ça. Ouais, mais t'inquiète pas. Je fais le calcul. Non, non, non, non, non, non, non. Pas pour ce que j'ai mis à la liche, pour savoir de combien je suis en avance sur Klaus. Ouais, on s'en fout de tuer la liche. L'important, c'est de gagner le concours de bite. C'est ça. Il a tout compris. Ouais, non, mais juste, petit sondage. Est-ce que quelqu'un dans ce groupe, à l'heure actuelle, a pour objectif de tuer cette liche? Faut que je retrouve mon esprit. Oui, moi faut que je ramasse le trésor et les deux autres ils font un concours de bites. Donc tout va bien. T'es la liche en plein milieu sur la cotation. T'es la liche en plein milieu sur la cotation. Qu'est-ce qu'ils foutent en fait? Pourquoi je m'emmerde? Je comprends pas. C'est ça. Je compte vraiment si peu pour vous. Je suis blessé. Je retourne à ma chambre. Non, mais sauf qu'elle est dans sa chambre, donc barrez-vous. Ah oui, ça. Merde! Je retourne dans mon lit. C'est ça. C'est vous qui êtes venu l'emmerder. Il est lui. Lui, au moins, il pense à moi. Ok, bah alors pour le coup, bah voilà, tu as fait ça. Elle continue, elle est en train de continuer d'incanter. Donc à vous, vous voyez que son incantation commence à résonner de plus en plus dans la salle. Vous avez même l'impression en fait que les murs résonnent. Enfin voilà, ça résonne, que ça donne un effet un peu de mouvement en fait des pierres et enfin, vous ressentez en fait ce son qui résonne quoi, réellement quoi. Ouais. Donc structurellement parlant, au-dessus de la liche, ça se présente comment? C'est une sorte de dôme, voilà. Il y a en fait, vous remarquez qu'il y a toute une partie en fait qui est complètement détruite, mais l'autre, vous remarquez, ben, tout ce thème en fait floral, enfin nature, voyez, tu sais, des arbres, avec les animaux qui se baladent, voilà, les cerfs, toi, genre un cerf majestueux, c'est ça, en fait, ça revient sur le même thème que la porte, en fait. Oui, alors, mais moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a genre un gros chandelier pile au-dessus de la liche ou quelque chose que je pourrais attraper avec mon fouet? Quoi, j'ai pas entendu. Ah, un gros chandelier qui, par hasard, se trouverait juste au-dessus de la liche par le plus grand et heureux des hasards. Bah, moi, ok, moi, ça me va bien, moi. Pourquoi pas? Ok. Hop, alors coup de fouet vers le chandelier pour le faire tomber sur la liche. Ok, mais je rappelle que t'as ton ami l'arbitre qui est en train de faire une clé à la liche et donc tu prendras aussi les dégâts. Justement, justement, ça veut dire qu'elle bougera pas, je peux lui faire tomber le chandelier dessus, c'est d'accord. Parfait. Non, non, mais y a pas de souci, mais c'est juste, je rappelle que c'est. Y aura une oui, oui, oui, non, mais. Alors, tu fais bien de me rappeler, mais j'étais parfaitement au courant. Depuis quand elle a des amis, ce mec? Non, mais voilà, moi je précise, voilà. Eh, alors, du coup, tu veux que je fasse ça sur quoi? Sur coup de fouet ou sur un défi le danger tout simple ou... Alors, le coup de fouet, qu'est-ce qui te permet de vous déplacer en... Bah, parce que là, le coup de fouet, comme il est décrit, c'est vraiment plus quand je fais ça vers une cible, un combattant, quoi. Non, en plus, un défi le danger, ouais. Pour le coup, sur la dextérité, c'est plus logique. Nous sommes donc d'accord. En sachant que ça sera un D8. Un D8. J'allais dire un D8 pour du 7-9 et 2 D8 pour 10+. Donc, Après, tu vois, là dans l'idée, c'est surtout, c'était pas tellement de lui faire des dégâts dans l'histoire, c'était vraiment juste genre, tu vois, se prendre un chandelier sur le coin de la gueule. Je pense que ça doit déconcentrer même une liche. D'accord, tu veux plus dans le principe de déconcentrer. Voilà, c'était vraiment genre là l'idée, elle incante. Okay. J'aimerais bien qu'elle n'incante pas. Tu vois, c'est voilà. Ok, bah je t'accorde le fait que ça va perturber son incantation, mais je te laisse lancer un D8 pour voir s'il y a des dégâts supplémentaires et qui seront sur des dégâts pour la liche et pour Arbiter. Ouais, je vois qu'il savait bien que le chandelier ne pouvait rien me faire. Voilà. Tout était calculé. C'est ça. Ouf. Non, non, non, non, pas ouf. Tout était calculé. J'ai quand même 16 en intelligence, moi, monsieur. Hein. Ah, je sais pas si Henry, je peux dire. Oui, j'ai 16 en intelligence. Quoi, tu sais compter jusqu'à 16, c'est ça, c'est tout? Oui, bah. Je suis sûr que c'est plus que l'arbitre, déjà. Hein. C'est la liche qui est là. 17. Oh. Impossible. Arrête d'inventer des nombres qui n'existent pas. Donc il a fait une blague à 4 niveaux. T'as jamais vu quelqu'un aller aussi loin. Alors pour le coup, voilà, le chandelier, toi t'as lancé ton fouet dessus. Tu as donné un coup qui a fait tomber le chandelier sur le groupe. Bon, ça vous met un peu à terre, hein, tous les deux, enfin, Arbiter et Mister tout team, hein, dans la logique de la chose. Donc ça coupe son incantation. Vous ressentez en fait, comme je parlais, ces vibrations, ces échos là, tout ça là, stopper, tu sais, lentement, mais commencer à stopper, ça commence à s'arrêter. Vous avez plus l'impression de revenir sur quelque chose de normal. Célène. Ouais, bah moi je continue à appeler. Allô. Ne quittez pas, nous allons prendre votre retraite. Bah moi, si la liche est à terre, je me mets les mains sur les oreilles pour pas entendre tout leur connerie là. Moi aussi, si la liche est à terre. Oui, pardon. Et toujours. Allô. Oui. Allô, s'il te plaît. Moi, en voyant le lustre tomber sur la liche, je me précipite et j'utilise mon arme pour taper sur la liche. Ouais. Mais avant, je vais faire quand même le jet pour Célène. Toujours sagesse. Oui, tu vas me faire un plus 1 vu que t'as bah, 10. Ok, bon, ça fait. Ok, tu. tu réussis en fait à la rappeler. Enfin, tu vois que tu, en te focalisant encore un peu plus et tout ça, tu arrives à rappeler la, ta comment, ton esprit. Bah, je te laisse définir comment elle revient, comment elle est, de quoi elle va te dire, enfin, de quoi elle va. Je laisse faire le RP de ta. Je la vois bien arriver en mode ouais, c'est bon, crie pas comme ça, je suis là, wow. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Je m'absente 5 minutes et c'est déjà le bordel. Bah, clairement, ton esprit ressent quand même la puissance de la liche. Hein. C'est pas. C'est... Ouais, man, qu'est-ce que tu fais? ça reste une quelque chose de plutôt. Enfin, voilà, elle ressent réellement la force. Incommensurable. Ok, bah donc au prochain tour, tu auras le retour de ton esprit. Okay. Klaus. Yes. Alors, Chétique, je suis allé attaquer. Donc, je me chète sur la liche avec mon... C'est quoi déjà le que j'ai, moi? Ma clémore. Parce que c'est pas une hache, c'est une clémore que j'ai. Bref. Je disais aussi, putain, ouais, il avait pas une épée à deux mains, d'habitude, lui, oui. Bah, je sais pas, lui, il avait une hache. Bon, je sais pas, moi il m'a dit qu'il avait la hache, voilà. Mais bon, là, moi c'est surtout, tu le vois taper avec la hache sur une scène. Derrière, en fait, tu le vois avec une arbalète. L'autre après avec un. Avec une clé mort. Et là, il y a le gars, je sens tellement les gars, tu sais. Genre, mais je crois qu'on s'est raté dans les faux raccords là. Complètement. Tu crois? Quoi, on la reprend pas, c'est pas grave. Non mais tu sais, t'es à côté, t'as Jean-Michel Cadrache qui est en train de tendre les armes, tu sais, qui change à chaque fois. Il la lance, il en prend une belle. Une lance, une Morgenstern. Oh, mais ça se mange. C'est le truc. Maintenant c'est canon, il change d'arme juste à chaque scène. C'est ça, le gars qui a jamais la même arme à chaque scène. C'est toujours une arme de main. Bon, j'espère que tu connais beaucoup d'armes, hein. Parce que, voilà. Je vais faire une liste. Est-ce que je peux utiliser les variantes entre chaque pays de la même arme ou pas? On va oui, aller. C'est ça, c'est toi, c'est ça, c'est Jean-Michel faux raccord, quoi. Tu sais, c'est la scène dans Community Service. I'll allow it. Le gars, il a jamais le même truc, c'est le mauvais raccord à chaque fois. Le truc. Putain, mais sérieux, quoi, merde. C'est pas sérieux. Ok, donc tu... Je fais 4 dégâts. À ce niveau-là, je préfère échouer, quoi. Franchement. Ok. Donc le coup de la liche derrière. Je note. Ouais. Ah oui, en plus, tu prends quand même la riposte, c'est vrai. Pardon. Eh bah, tu vas prendre la riposte, mais c'est la même riposte que l'arbitre. Que l'arbitre, t'auras pas le plus 3 dans le sens où elle est à terre, donc c'est plus ça. Oui, non mais elle va me tuer. Ça... Ah non, c'est un D10. Ouais. Ah bon, bah ça va, mais ils peuvent rester 2 ou 3 points de vie. Voilà, tu prends 6. 6. Je commence quand même à avoir mal, hein. Je pète pas trop le feu là. Hein. Et je vous ai dit qu'il y aura un beau combat qui fait bien chier, hein, bien difficile. Hein, vous l'avez annoncé. Hein. En même temps, je veux dire, les deux persos, c'est des combats à 300%. Il faut qu'ils puissent se donner un petit peu. On pourra revenir dans ce parc après. Dis. Oui, mais seulement si t'es sage. Non. Oh. Du coup, voyant que Klaus s'est de nouveau mis à attaquer la liche avec son fléau d'armes, je vais... je je vais en profiter pour me placer au-dessus de la liche, je me cale au-dessus d'elle, et je lui enfonce mon poing dans la gorge, parce que tu ne peux pas incanter si t'as 450 kilos de muscles et de métal enfoncés dans la gorge profonde. Tout en évitant ma faute combat. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Non, mais les... Ouais, enfin, fais quand même attention à ne pas blesser l'arbitre avec ton bec de corvin. Mais oui. Les marteaux de guerre, ça fait mal. Bon, ça fait beaucoup de scènes d'un coup, là, quand même. Avec toutes les armes. Mais en même temps, tu sais, il y avait un montage un petit peu, tu sais, en mitraillette, là, avec des changements de plan dans tous les sens, tu vois. Donc, bon, ça y va, les faux raccords. Hein. Je crois qu'un jour il faudrait faire un jeu où, enfin merde, il y a un jeu comme ça où tu joues des acteurs de scène de série B. Brain Soda. Ouais, voilà. Brain Soda, il est génial pour faire des one shot. C'est ça. Je crois qu'à un moment il va falloir absolument. On va en faire un médiéval avec toutes ces conneries, parce que là je pense qu'on peut faire un spin-off. Même pas, toi. Vu que c'est série B, toi tu joues des acteurs de série B, donc tu peux. Bon, on le fait déjà. Oui, mais du coup, le système de jeu est pensé pour, hein. Non, mais parce qu'en fait il faut faire l'Inception. En fait, on joue le film de série B, Dungeon World, avec les personnages. Comme ouh, le film. C'est très méta, ça, monsieur. C'est extrêmement méta. Mais c'est parfait. Enfin bon. Bref, envoie ton bouclier de Captain America, là. Oui, pardon. Du coup, il faut que je fasse manger pour. Choke on this. Ah, oh, c'est un peu moins de dégâts. Oh. Un des 10. Ouais, mais je vois que monsieur pratique l'art martial du one-liner. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne prends pas les dégâts ou tu tentes de faire plus de dégâts? Je prends pas les dégâts. Ok. Quoique, non, je suis l'arbitre, je le fais. Parce que c'est comme ça que. C'est que. Because that's what heroes do. C'est le mien de Kiki qu'il est le plus gros. Regardez pendant que ma décision stupide me tue. Voilà. Ouais. Je l'aurais mérité. Alors attention, est-ce qu'il me tue? Tout ça pour un dégât, quoi. I am alive! I am the greatest warrior ever! Oui, jusqu'au prochain tour où tu prendras une autre décision stupide. Exactement. Mais c'est selon les enseignements de l'ultime. Oui. L'ultime stupide, ouais, c'est ça. Ouais, je pense que ça va être ton ultime combat, là. Ouais, enfin, rappelons l'ultime combat de l'ultime, hein. Big Monster! Oui, bah à côté de ça, ça fait un peu tâche tout le totem, hein. Tout le totem reste. Ouais, c'est quand même quelque chose d'assez. Oui, mais voilà, c'est pas Marlboro, ce seigneur du feu! Disons que c'est moins visuel, à faut le dire, hein. Mais bon, quand même! Oui, et le jeu de mots, il est légèrement moins bon aussi, tu vois. C'est... Même s'il est bien. Ouais, mais bon. Ok, que veux-tu, hein. Donc, voilà, il se prend quand même le poing dans la mâchoire. Enfin voilà, tu lui évites de continuer à incanter. Voilà. T'as au moins ça, hein, quand même, clairement, à ton actif là. Mais tu vois que son regard, qui était toi plutôt tranquille, virevolte un peu. Enfin voilà, tu sens qu'il y a une lueur noire, tu sais, profondeur noire, quoi. Toi. que vous avez pu connaître dans la saison 1. Mais voilà. Oh, il fait des liens avec la saison 1. Parce qu'il y a aussi le fantôme de con qui arrive. Alors... Voilà, c'est juste que dans la saison 1... Désolé. Les, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, dont toi, c'est que dans la saison 1, ils sont battus contre un Nacromant, et ce Nacromant, en fait, avait une particularité. En fait, il avait des yeux noirs, enfin, c'était même un... Toi, si tu veux, un peu un genre puissant fond, quoi, tu sais même pas... Voilà, et là, c'est bah, un peu la même chose qui se passe actuellement avec ses yeux. Voilà. Pour la liche tout le toutine. Presque comme s'il y avait un rapport avec la nécromancie. Oui, ou... Le fait que je suis feignant et que je me dis, hé, il y avait un truc qui fonctionnait la dernière fois, je vais peut-être le réutiliser, voyons. Bah, en même temps, c'est, je veux dire, c'est mystérieux et tout, parce que, c'est, je veux dire, à part Snorri qui s'est excité dessus, on n'en sait rien, en fait, hein, c'est devenu important, parce que Snorri, il s'est excité dessus, hein. Et on sait que ça avait... Et surtout, je crois que c'est le seul truc de toute la série qui a jamais marché sur Fafnir. Je sais plus. À chaque fois qu'il y en avait un, Fafnir était en mode, non, mais je réussis mon jet. Nique-toi. Regarde dans les puits sans fond de la mort. Ok. c'est chouette. Je peux te frapper maintenant. C'est ça. Enfin, c'est le puits sans fond. Chut. Pour le coup, mais voilà, tu vois en fait cette chose arriver. Donc, qui suivant en fait pour le coup qui fait du coup moi je vais aller ramasser le totem le totem ouais voilà je le vois en sifflant je vous laisse hein, ça, c'est à moi. non mais je vais vous couvrir de là-bas. Je regarde, il y a personne qui nous arrive dans le dos. Oh, voilà, c'est exactement ça. Enfin, d'abord, je vais aller ramasser le totem quand même, parce que je vais quand même partir sans le truc. Ok. Donc oui, donc tu prends le totem et tu restes dans la pièce ou tu sors de la pièce? Bah moi, dans l'idée en fait, mon action s'arrêtait à je prends le totem parce que le temps que je me déplace jusqu'au totem, que voilà, machin, etc. Comme c'est du combat, tu vois. Après, oui, non, mais voilà. Si tu me permets de faire plus, bah à ce moment-là, je vais me rediriger en direction de la porte, sans forcément en sortir, tu vois. Mais disons que bon, c'est ah putain, c'est quoi l'expression en français du coup Je garde toutes mes options ouvertes pour l'instant. Ah, okay. Oui. Ok. Oui, parce que vous ne le savez pas, mais nous sommes sur un casting international. Voilà. Et c'est vrai, en plus. Voilà, là, pour le coup, on a du belge, de l'allemand finlandais, du l'autre croisé porte-fenêtre, c'est quoi déjà vietnamo-américain, c'est ça, non? Vietnamo-américano-français, s'il vous plaît. Excuse-moi, j'ai oublié le français. Et on a un gars qui est juste français, mais bon. Ah, il faut le côté à côté rep, je suis désolé. Donc, mais voilà, juste voilà pour le coup. Ouais, maintenant que c'est sorti, hein, moi je le fais dans l'international. Ça a pas l'air comme ça, mais voilà. Ouais, c'est la lutte finale, tout ça. C'est ça. C'est la lutte. Non, c'est la liche finale. Ouais, mais est-ce que la liche, elle est pas lorraine? Ah. Mais non, elle est trop fromage, on l'a dit. Les gars, pas savoureux. Est-ce que la liche, elle est lorraine? Non. C'est une question de bon sens. Je crois qu'on n'aura jamais réussi. Ok. Céline, toi, tu as ton esprit qui est revenu. Ouais, bah elle est revenue, elle voit le bordel, elle me regarde, elle fait Faudrait peut-être aller leur donner un coup de main, non? What the fuck, man? Oui, hein, parce que je veux pas dire, ça balance sur moi, ça balance sur moi, mais moi, en attendant, j'ai fait des trucs, alors que l'autre branleuse, là-bas, hein. Un coup de fil à un ami. Alors, pour le coup, j'avais quand même posé la question de savoir si elle le faisait ou pas avant. Hein. Je précise que c'est toujours des options que vous avez choisies. Non, je crois que tu devrais demander l'avis du public maintenant. Ah bah l'avis du public, voulez-vous de l'aide? Envoyez aide au 713. Voulez-vous utiliser le super moite-moite? Envoyez les dons, après c'est moi qui vais faire le calcul des 50%, 50%, 50%, 50%. Voulez-vous que les PNJ survivent? Envoyez vos dons. Ok, bah donc oui, non, voilà, tu oui. qu'est-ce que va faire ton esprit en fait pour les aider? Ah là, bah, donc là ici dans ma magie spirit, je peux donner, enfin rendre des points de vie. Du coup, c'est ce qu'elle va essayer de faire. Elle va essayer de toucher un esprit et de redonner un peu de vitalité. D'accord, et redonner de la vitalité. Donc, enfin, elle va essayer cette chose. Ah bah à moi forcément, allez, j'ai besoin de vitalité moi avec mes 15 PV. Soit ta clause, et à mon avis vu que c'est pourquoi un t'es maître... un peu en berne en ce moment, Henry. c'est pas trop de ton côté pourtant. Hein. Merde. Bon, oui non voilà mais tu, enfin clairement ceux qui sont au combat. Voilà, un des deux qui peut, peut ça, c'est juste savoir vers qui elle se... Les deux sont au cac avec la liche, donc clairement, ouais. Elle peut toucher un des deux, quoi. Donc à toi de voir. Moi, je dirais bien close, parce que pour mon esprit comme pour moi, il y a plus de facilité à donner de la vitalité à quelque chose qui est fait de chair et de sang qu'à une armure. Ça se tient, ça se tient. Et je dis pas ça parce que c'est pour moi. Ça se tient, ça se tient. Oui, tu pourrais gagner le concours quand même, hein. Je vais gagner mon concours de bite par forfait, hein, écoute. Ok, donc ouais, ton esprit va prendre la direction et va toucher. Quel effet ça doit faire en fait de toucher en fait, déjà juste savoir est-ce qu'il ressent du froid, est-ce qu'il ressent du chaud, enfin voilà il va être touché par l'esprit. Si ça fonctionne, oui, ce serait peut-être un petit courant d'air, comme si on lui foutait un peu d'eau sur la figure. Tu sais cette sensation quand t'es jusqu'au coude dans l'évier et que tu vois rien au fond et que tu touches un truc et tu sais pas ce que c'est. Ou que tu vas dans la mer, tu es bien, et puis il y a ton pied qui touche un truc visqueux. C'est ça, c'est ça. T'es bien, hein. C'est quoi ça? Bon, de toute façon, t'as raté. Ah la vache, tu gagnes quand même beaucoup de... ouais, non mais en fait, elle s'est mise dans un coin de la pièce et elle peut avoir level son perso. Donc, non mais je prendrais quand même les XP de quand on aura tué le boss, hein, mais occupez-vous-en. Donc pour le coup, donc Ikat, hein, le nom de ton esprit, touche le comment. J'allais dire l'arbitreur, mais Klaus, touche Klaus, toi, elle ressent, elle n'arrive pas à faire son... Ça, c'est mes fesses. C'est possible. Et quand elle est en mode, bouh, booty. Attends, juste vite fait, je vais voir un truc. Elle pourrait, ça pourrait être ça, avec en plus en truc en disant presque aussi bien que son ancêtre. C'est ce que je me disais aussi en jouant sur le lien. Travers la tombe, mon gars. Parce qu'il y a quand même un lien entre vous comme quoi ton esprit connaît les ancêtres de Klaus, donc... Oui, intimement, a priori. Moi, je sais pas. Moi, je veux... Hein, c'est écoute, une proposition. Écoute, elle a touché des culs avec tes ancêtres, je veux dire. Voilà, hein, c'est... Ce sexisme par-delà la mort, hein, c'est... je les boude bien, bon, pas aussi bon que son ancêtre. Quoi? Mais... Pardon. Mais non, voilà, après, ça reste à ton appréciation, hein, Céline, mais voilà. Ah bah moi je suis pour, hein, elle va le susurrer même à son oreille. Bootylicious. Yeah, merci beaucoup. Mais tu... Salut beau bras, quand vous serez mort, ça vous dirait d'aller en bar. Donc ouais, donc tu ressens un truc froid, un peu visqueux, hein, c'est ce qui était dit avant, hein, comme le... te toucher le... Tu sens une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Non, j'imagine pas, tellement Klaus qui a pas trop compris, qui voit pas l'esprit, il est en mode « j'aime un sort violet ». Pourquoi j'ai froid au cul? Non, quand même pas. Non, pas à ce point-là. Mais voilà, non, mais toi, tu ressens un petit effet froid, en fait. Et donc, cette chose qui vient de nulle part, enfin, qui semble venir de derrière toi, mais t'as pas... Tu sais, enfin voilà, tu ne vois pas d'où ça vient. Mais hélas, Céline, oui, tu sens qu'en fait ton esprit a l'air d'être un peu distrait. Voilà. Ouais. Et là tu entends un non. Alors, est-ce que le non c'est creepy ou est-ce que le serait plus creepy? Bonne. Ouais, moi je dirais les deux. Je suis deux. Non. Bah c'est à toi Klaus en fait de savoir enfin un peu ce qu'il y a. Alors tu sens que bon t'as les poils du cul qui se dressent. Non, c'était pas des poils. Mais t'es pas non plus voilà enfin de souvenir t'es pas très très très alerte là. C'est ça, hein, tu as perdu pas mal de points de vie. Combien là? Oui, j'ai mal. Oui, t'as mal. J'ai fini. Ta boîte matinale, t'as mal. J'écoute. Je vais faire un ou deux pas en arrière et puis je vais utiliser l'arsenal de l'exécuteur. Alors, qu'est-ce que l'arsenal de l'exécuteur? C'est un point d'XP. Non, mais explique-nous un peu la scène quand même, parce que qu'on comprenne ce qui se passe, quoi. Ah, j'ai. Tu vois dans mes yeux que j'ai une lueur qui vient de s'éveiller, je fais. J'ai quelque chose. C'est la bonne fouillé dans la petite pochette que j'ai à la ceinture, tu vois. Et je trouve pas. J'ai un truc pour cette situation. Ah merde! Ah, tu vois, en fait, c'est plusieurs questions! Ah, mais bordel, vous avez la bonne vie! Ranger ce machin! Non, j'imagine tellement. J'ai un truc pour cette situation! Où est-ce qu'il est? Et c'est pendant ce temps à l'auberge du vieux ping. tu vois à l'auberge. Oh, squelette. C'est bien le truc, c'est à l'auberge du vieux ping. Tu vois qu'il y a une discussion, c'est de votre groupe avec un des gars qui fait. Hey, regarde, j'ai trouvé ça. Tu sais ce que c'est? L'autre qui ouvre le truc fait. Ah, je sais pas, mais ça pue quoi. Tellement. Avec les autres qui sont restés. Toi, ils sont tous en train de se donner le truc pour savoir ce qu'il y a dedans, et tous sont en train de dire ouais, ça pue. Je crois que ça sent les chaussettes. Non, moi je te dis que c'est les trois fromages, moi. Non. Ça monte un peu de plaisir. Voilà, désolé. Bon, non mais meilleur boss du monde. Je crois que c'est pire. Même si on meurt tous. Ah oui, non mais là, franchement, je serais même, ce serait même pas dommage si on meurt tous, quoi. Ça valait le coup. Donc bah oui, voilà, tu n'arrives donc pas, tu cherches apparemment dans ta besace, mais tu n'arrives pas à trouver truc. En sachant que le moment où en fait t'as reculé, la scène où on t'a vu reculer. Et le deuxième plan, en fait, bah, l'arme à deux mains a disparu, on sait pas où elle se trouve. Voilà. Non, elle a pas le temps, c'est ça. Non, c'est ça, tu vois, bizarrement, voilà. Putain, j'ai mal lu le truc. Si vous recherchez, si ce que vous recherchez est relativement courant ou abordable, moi j'ai lu adorable. Qu'est-ce qu'il me faut ? Oui, c'est un chaton ! C'est une patte de lapin ! Ah, c'est ça. C'est pas de renard, tu vois. C'est... Non, c'est en fait, tu vas balancer des chatons à la liche et là, elle va être là. Oh, elle va pas ça. Là, c'est ça, c'est, tu balances des chatons et là, elle s'arrête et fait oh, it's so cute. Oh, je suis allergique, non. Bon, c'est cool, mais vous avez toujours une liche. Qui est en train de se relever hein, quand même hein, clairement là, donc tu vois qu'elle donne enfin, qui est en train de se relever un grand point oh, bouffe. Oui bah oui, mais tu vois qu'elle a balancé, en fait elle a donné un coup de pied où ça a balancé le l'arbitre. Non, pas l'arbitre. Le chandelier. Grand, le chandelier, merci. Ah oui. Le chandelier, voilà, sur un des murs, vous voyez que le chandelier s'encastre dans un des murs. Et qui est en train d'essayer, voilà, de se relever pour essayer bah, de continuer ses conneries, quoi. Que je l'utilise maintenant ou pas. Ce serait dangereux. Quoi, tu veux utiliser tes points de Pégase? Mais vas-y. Tu es que sur la seconde marche. Vas-y, chevalier. Non, si j'avais les météores de Pégase, putain, mon gars. Non, je vais être un dieu magnanime et je vais utiliser ma potion de soin maintenant avant de crever comme un débile. Et ok, donc tu te bah, j'ai toujours un point dans le en train de. Ah, ça va être difficile quand même. Hein. Non, mais la ceinture, tu la prends avec les bouchons, avec le glu. Ouais, mais il va avoir du mal, il va avoir besoin des deux mains pour ouvrir le bouchon. Il peut pas utiliser ses dents vu que. C'est une armure. Mais non, mais c'est parce que c'est capsulé, tu vois, du coup, t'as un petit crochet sur la main. Tu... toujours être prêt. Bienvenue. C'est quoi, c'est merde, c'était l'ultime. C'est ça, bienvenue chez l'ultime. Ultime cola. C'est ça. Je m'appelle Boule. Red Boule. C'est ça. Bon, en tout cas, je vais l'utiliser si tu penses que je dois utiliser mes deux mains pour décapsuler une potion de soin. Non, mais ok, mais pas de soucis, mais bah, disons que ça quand même, ça donnera une facilité à la liche, hein, on va pas se cacher. J'imagine tellement ça, donne-moi une seconde, je vois que tu t'essaies de donner... Ok, vas-y, on peut reprendre. Oh non, mais t'es où? Eh mais je la reconnais cette marque, ils en font toujours. Ouais, je garde les vieilles. Il y a quelques années, ils ont changé la recette, ça a plus le même goût. C'est Nuka Cola. C'est ça. Il n'y a plus que celles qui sont dans les bouteilles en verre qui sont bien toutes les autres. Bah, il reste que, voilà, bon, est quand même en train de se relever, hein. Le fait que bah tu n'es pas maintenu la pression, c'est ça, fait qu'elle arrive à se relever quand même, hein. Tu on va dire tu prends, toi tu te relèves peut-être avec elle, qui fait que tu l'embêtes, mais tu vois qu'elle a quand même pu se relever, quoi, clairement. Stay down. Okay. Klaus et Selene pour le coup, je crois. Il y a Klaus, Selene ou Heinrich aussi, hein. Voilà. C'est, Écoute. Heinrich, pardon. Tu l'avais complètement oublié, lui. Tout le monde l'avait oublié. Il est où ? Il s'est déjà barré. Il est bon ce con. Hein. Non mais Heinrich il est plus là. Hein. Tac. Si. Alors du coup je suis près de la porte, hein. Voilà. Et je vais me servir de mon arbalète pour tirer sur la liche. Ah non. Et vous prenez beaucoup d'XP, mais faut pour gagner de l'XP, pour l'utiliser, il faut survivre à un moment donné. C'est pour ça que je suis à côté de la porte. Parce que là, ça... ouais, bah après, vous allez gagner de l'XP, hein. Voilà, mais bon. J'ai gagné un point d'XP pour l'instant. Oui, mais tu l'as gagné de façon très majeuse. Ah, je sais ce qu'il me faut. Non, pas ça. Non. Pas ça non plus. Ça, alors ça c'est pour les loups-garous, ça c'est pour les zombies. Ah, ça peut peut-être servir sur les zombies. Non, il y a plus assez de peau là. Incassable. Ah. Cassé. Ouais, de mon côté, bah, mon esprit retente, mais de manière plus, un peu plus vénère quand même. Elle n'arrive pas à mettre sa main au... Et cette fois, elle réussit. Ah, elle me l'avait bien dans le... Oui. Tout à fait. Un peu plus vénère. Ok. Donc, tu pour le soigner, hein, c'est ça, hein. Oui. Aucun des 8. Ça, tu rends un des 8. Oh. Ah oui, c'est bien vénère, du coup. Hein. Donc, tu récupères 6 PV, Klaus. Dans le... Hey, tu ressens une profonde froideur. Non mais du coup, c'était pas ce que je cherchais. Du coup, l'abus sexuel par fantôme interposé, c'est utile quand même. Hein. Je connais un avocat. Non, à un moment donné, c'est pas faisable. C'est toi, ça fait plus toi, ça va faire plus les bandes Saint-Ol ou je sais plus quoi là, fraîcheur. c'est les pastilles à la menthe, c'est les trucs ultra fins que tu mets sur la langue et qui fondent instantanément. Fisherman's Friends, it's a bit strong. C'est ça. Ok, très bien. Donc tu as récupéré. Putain, c'était bien les Fisherman's Friend. Et du coup, moi après ce regain de... De vitalité, je continue à fouiller mon arsenal. Pour trouver ce fameux petit sachet qui contient de la poudre. C'était pas cette sensation de froid, mais bon. Ah! Quand vous connaissez l'existence d'une arme spécifique, d'un outil ou d'une substance facilitant l'exécution d'une créature, si ce que vous recherchez est relativement courant et abordable, vous le possédez forcément. Par contre, il s'agit de quelque chose d'onéreux, de rare ou d'unique, lancé un des 6 plus force. Ah! J'imagine qu'un truc pour niquer une liche, faut que je lance un D6 plus force du coup. Ah, tu le fais déjà normalement là, c'est ton bah, V en fait. Non, c'était 2D6 tout court en fait. Mais bon, plus force, non, ça fait plus 2 quoi. Donc, bah, normalement, si t'as correctement paramétré ton action. Non, justement, par défaut, je fais pas de 2D6 plus force. Parce que c'est un truc qui est normalement. C'est une action de base, c'est standard, c'est un truc qui est pas cher. Bon, là pour le coup, c'est un truc de liche. Attends, tout ça. Et je comprends pas pourquoi faut que tu lances un G. Par contre, c'est un truc onéreux, tu lances un G avec du bonus. Quoi. Mais non, c'est que si c'est pas cher et abordable, tu l'as, y a pas de G. Et si c'est ça, un vrai crâne, te... c'est le là G, que tu as fait jet. Déjà. Il te fait le jet automatiquement à chaque voilà. fois. Quoi. Voilà. Voilà, ok, non, mais voilà, donc tu as fait, tu as fait 9. Tu as fait 8, désolé. Plus donc, ton bonus de force qui n'est pas indiqué, parce que du coup, il n'a pas. Il parce, a pas que parce que tu l'as pas pris. D'accord, paf, voilà, toi je le mets. Pour la prochaine fois. Force, force, tu as 2, 8, 9, 10. Ok, donc le MJ vous annoncera que vous le possédez exactement, ou du moins un équivalent utile. Ok, donc tu vas sortir, comme tu as dit, une poudre. Tu t'es souvenu un peu au dernier moment, voilà, que tu avais quelque chose qui pouvait être très utile face à la liche. Et en fait, c'est un mélange de champignons broyés. Qui ont... Je vais dire de 11 herbes et épices, mais bon, tant pis. Ah bah non, là c'est une base de champignons, tu vois. Ouais. Et d'écorce, mélangé à de l'écorce, une base de champignons et d'écorce. Qui écorce qui, en fait. Qui, c'est est, qui voilà qui ont des vraiment c'est des champignons qui ont un gros potentiel magique parce que ce sont des champignons venant de la porte de Baladur. C'est ça, c'est des champignons de la porte de Baladur mélangés de la poudre d'écorce et des plumes de papillon. Et les champignons des mines. Non, c'est rien. Le sport des mines, alors. Non, on fait pas de sport dans les mines. On travaille à la rigueur, mais... Ah, travail. Et du coup, qu'est-ce que peut faire cette poudre? Est-ce qu'elle peut me donner un instinct second qui me donnerait un bonus, ou est-ce que ça limiterait les actions de la liche? Clairement, ça va être un... pas un catalyseur, mais un. Ça va amener. Je vais pas y aller avec, mais. Pouf. Et les mots, c'est difficile ce soir. Hein? Ça va amener. Non, amniser, amener. Non, améliorer. Pas améliorer, au contraire d'améliorer. Diminuer, merci. Diminuer en fait les capacités magiques de la liche par deux. Nice. Je crois que le mot que tu cherchais du coup c'est diviser. Diviser. Ou amenuiser. Diminuer. C'était ça, mais amenuiser, ça marche, oui. Mais bref. Du coup, diminuer, c'est bien aussi. Diminuer, c'est bien, non, mais ça me va. Non, diminuer, c'est bien. Bon, en fait, on avait que 9 diminués, donc t'arrivais pas à trouver le 10e, peut-être pour ça. C'est ça. C'est là où tu vois que putain, c'est la difficulté, hein. Oui. Bon, c'est le challenge global de la partie ce soir, où il faut juste trouver les mots. Non, mais ça, c'est l'effet fin de week-end, des... hein. Fin de semaine. Fin de week-end, oh, putain, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. De Gaspard Savoureux, tu vois, c'est son effet qu'il a sur les putain, gens. C'est difficile. Donc, la fin du week-end, ouais, bon, ça c'est le troisième fromage, ça. Fromage de trop. Donc voilà, tu sais que voilà, tu les utilises, voilà, je sais pas, est-ce que tu lui souffles dans la gueule, est-ce oui, que, c'est enfin, ça, je prends la poudre, je la verse dans ma main et je fais. Non. Non. Bah, tu vois que tu vois qu'en fait ça, il y aura une réaction un peu bizarre au départ. C'est en fait elle va se le prendre dans la gueule et tu verras que ça va faire un peu des étincelles violettes autour d'elle un petit c'est moment joli. Et s'arrêter voilà et s'arrêter d'un coup. Voilà. Super, donc, maintenant on a une liche gay pride, c'est génial. La liche disco, tu vois. Ouais, c'est une liche disco et tout le tout team. Ouais, c'est... Après Disco Duck, Disco Leech. Mais voilà. Donc, Eh bien, je ne sais pas quel effet ça a eu sur la niche, mais profitant de cet instant de faiblesse, je surgis après avoir descendu ma superbe potion de soin TM. Recette originale, bouteille en verre. Et qu'est-ce que tu fais de ta... Qu'est-ce que tu fais de ta fiole en verre après ? Je laisse par terre, j'imagine. Oh, tu la manges. C'est ça, je la mange. Oh là là. Et du coup, je redouble mes efforts car je suis infusé par la puissance de la potion de soin. Ah, ça va mieux. Ok, tu... Voilà, tu réponse. Fais un succès complet, ah, donc putain. Ça va. Est-ce que tu fais plus de dégâts ou pas en fait, c'est... Oui, une seconde, c'est juste que ça reconnaît pas. Non, mais je pose la question comme ça. Non, mais parce que voilà. Ah, clairement, ça va mieux après une bonne potion de soin. Les potions de soin Mars, et ça repart. Non, parce que 5-1, et là c'est 7-5, du coup tout va bien. C'est mieux! Vas-y! Hit me! Blum! Et on voit la tête d'arbitre qui vole à l'autre bout de la pièce. Tu ça vois passe. Que. Tu vois qu'elle va. Elle reprend un coup. Tu sens qu'elle a quand même bien encaissé, mais bah, tu arrives à lui faire quand même des dommages. Tu as touché l'os. Tu as touché l'os, c'est ça, ouais. Hop. Mais elle est pas finie. Elle a encore de la puissance en elle. Oui, elle a encore de la puissance. Ooh, harder than genre Michel pas fini. En plus, je fais des bons jets de salaud en plus à chaque fois. Je crois que j'ai fait des quand même sur mes dés à chaque fois. Ouais, ça va quoi. Non, t'étais pas mauvais. Hein. Donc, moi non plus, hein, moi je vais pas me plaindre. Mais voilà, comme j'ai dit, ça a diminué hein, le truc. Mais bon, là, comme je dis, elle s'est relevée. Donc, elle utilise son bras pour se relancer un trait magique. Tu vois qu'en fait le trait n'a plus cette couleur violette un peu, tu sais, un peu nauséabonde. Tu vois que le trait est un peu plus petit. Qui t'a touché. Ça arrive à un homme sur 4, vous en faites pas. Mais voilà, tu prends quand même voilà 8 points. C'est pour ça qu'il a maxé ses dégâts, hein. C'est juste parce que j'ai fait la blague. Ouais, non, c'est bon, je suis encore là. Je le suis. Et la tête. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, tu as fait quoi comme, enfin, t'as visé quoi au fait? Je vais pas demander. La stratégie de base, c'est il ne peut pas parler s'il a un point dans sa gueule. Du coup, c'est on va pour le visage. Et on sait jamais si ça se trouve c'est une diva. Du coup, doublement. Non, pas le visage. Ah. Ok. Ok. Et puis je doute qu'aller pour en dessous de la ceinture, ça fonctionne sur un mort-vivant. Ah, mais comment ils vont se reproduire d'après toi? C'était ça son point faible depuis le début. Non. Ok. Donc voilà, la liche continue à marmonner des choses, mais. Mais son incantation, elle n'a pas continué son incantation. Clairement. Toujours bloqué là-dessus. Et tu sens, toi, tu sens que toi, elle a quand même bien encaissé, mais qu'elle commence à se fatiguer, quoi, clairement. Ok. Au suivant, je sais. Je sais pas, mais là, c'est vous qui voyez comment vous réagissez, hein. Comme je dis. Bah écoute, moi je vais attaquer la liche avec ma hache à double tranchant. Hein. Ok, donc là, tu vois le premier truc où il souffle, et là sur la deuxième, tu vois avec une hache. Ouais, tu vas même pas ranger ses affaires ou quoi que ce soit, dans il a déjà la hache en main, tu vois. C'est ça. T'as les mecs dans la salle de montage, non mais c'est n'importe quoi, on peut pas faire ça comme ça. Ah, mais t'inquiète, personne ne le remarquera. Ouais, ils y verront que du feu. Est-ce que tu prends les dégâts supplémentaires? Ok. Voilà. Et bah. Je vais lancer. Comme je disais, un homme sur 4. Tu prends 5 PV. Tu vois que. Tu donnes donc ton coup de Morgenstern là. De Morgan Freeman, hein, dans la gueule. Donc. Mais voilà, en fait, tu sens que tu viens de donner le dernier coup. Tu sens en fait le peu de vie qu'avait la liche est en train de la quitter. Mais dans un dernier effort, elle te lance un trait magique et dans un soupir. Lance un petit message un peu enfin une petite dernière phrase et fait quand je vais rencontrer la mort je lui passerai le bonjour de votre part. Et ouais, là juste avant qu'elle crève, elle entend de loin RECT. et un truc un peu humide sur le visage parce que j'ai craché dessus. Ah. C'était pas la pensée à laquelle j'avais, j'avoue entièrement que. Ouais, je sais, j'en suis rendu compte quand je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai voulu insister sur le. Oui, on sait jamais, t'étais peut-être très excité parce qu'on t'a touché le cul, hein. Klaus, qu'est-ce que tu fais? Non, attends une seconde. Donc voilà, vous voyez que la momie en fait se décompose, les os qui tombent à terre, qui se transforment en poussière et un courant d'air qui vient de nulle part en fait qui balaye cette poussière à travers la salle. Du coup, on est en train d'assister à une sorte de momie nova. Moi, je valide pas. Quoi ? Bon, on va l'ignorer. Et du coup, moi, pour continuer dans la scène, je mets un coup de poing dans l'épaule de l'arbitre et je fais. T'as bien fait, mon ami. C'est comme ça qu'on doit faire. Alors, juste pour le coup, hein, si t'avais pas fait le 1 sur tes dégâts de plus, tu l'as tué pas. Hein, ouais. comment le kill. Juste pour le coup, hein, juste pour le dire. Putain, c'était le 1 de dégâts le plus utile du monde. C'est clair. Aïe aïe aïe. Ah mon dieu. Donc, finalement, la butée, on n'est pas mort. Hein. Ouais. Alors, du coup, pour le besoin de concourage pour le kikimeter. Alors, pour le coup, j'ai buté une liche, mec. Oh, j'ai fait plus de dégâts, je suis désolé. J'ai buté la liche, ta mère. Oui, sauf que techniquement, tu peux pas savoir si tu fais plus de dégâts ou pas, quoi. Dans le truc, quoi. Donc, bon. C'est grâce à ma poudre que si on a pu la tuer. Alors, pendant que les deux, ces deux-là, ils se mesurent la bite, moi, je vais chercher un objet pour faire passer pour la relique qu'on est venu chercher. Bah en fait, comme j'avais dit, t'avais le donc le totem que t'as déjà récupéré. Non, attends, je voilà. Laisse-moi finir ma phrase. Tu avais donc le totem qui est ça, mais on avait dit qu'elle avait d'autres choses sur elle et donc elle a une sorte de sceptre en fait qui est tombé aussi avec elle quand elle s'est désagrégée. Voilà. Ah, il ressemble à quoi? Genre, est-ce que je peux bullshiter un truc? Genre, oui, on voit clairement la forme du basilic, tout ça, nanana. Ouais, c'est un truc plutôt, on va dire, plutôt classique. Hein. Ça fait un peu un truc en métal avec quelques pierres précieuses. Il y a des formes, qui sont des formes ésotériques. Il était extrêmement fast. Je me souviens plus du coup avec tout mon bullshit. C'est vous êtes au courant de ce qu'on est venu chercher ou vous êtes juste au courant qu'on est venu chercher un truc en fait? Tu nous as dit qu'on venait chercher le totem du basilic. Ok, d'accord. Donc du coup, moi si ça ressemble pas à une feuille de basilic, tu me la fais pas. Hein. Je sais à quoi ça ressemble une feuille de basilic. Hein. Ouais. Mais après, je rappelle que ce que t'as récupéré, ça, ça pourrait passer pour un bout de bois, quoi, pas loin, ton truc. Hein. Comme je suis doué, moi je sais ce que c'est, et donc. Je vais prendre le truc plus flashy, plus orné, qui est le sceptre de la liche, et je fais voici ce qu'on est venu chercher, le totem. Basilic. Si tu veux, toi, sur le principe, je vois très bien. Pour moi, en fait, tu me refais la scène de Indiana Jones où t'as le truc en bois et le truc avec toutes les couleurs et tout ça. Hein, voilà. Oui, clairement, un sceptre digne de Jésus, du coup, hein, parce que fuck, hein, voilà. J'ai pas envie de réfléchir pour cette référence, alors fuck. Si, clairement, un totem digne de Snorri le clairvoyant. De Snorri le clairvoyant, bien connu pour son amour des choses matérielles et immatérielles. C'est ça. Oui. Non, mais c'est surtout, on voit clairement, vous voyez cette partie un peu rugueuse, c'est pour représenter l'écorce. Mm-hmm. Rugueuse, oui. Voilà. N'est-ce pas, Klaus? Pardon, j'ai pas écouté. mais bien joué, compagnon, bien joué. Vous êtes fort bien débrouillé lors de cette rix. Et du coup, en me tournant vers Célène. Et vous, ça va? Vous avez rien? Vous allez bien? Non, il y a mon esprit qui est revenu, tout va bien. Votre esprit... Oui, tout à fait, votre esprit... Exactement. Il était parti. Et là, tu entends une petite voix d'outre-tombe qui fait « Ouais, ma main était bien partie, oui. » Bon, on va y aller. Non mais quand je dis ça du coup oui non moi je me dirige vers la porte maintenant hein, et on va y aller hein, splash splash splash, elle est où la porte? Ok, ils sont où les deux clampins? C'est vrai, ouais. Ça Les clampins, en fait, j'ai complètement zappé, je vous avoue. Au début, j'étais en mode. Oui, ils font quoi? C'est pendant tout le tournage, j'étais là. Non, mais ils sont sûrement planqués dans un coin en train de regarder parce que du coup. Ça va être un peu ça. Les loutres dans l'autre pièce, là. Ça va être un peu ça, voilà. Les gars sont un peu. Ils ont clairement compris qu'ils avaient. S'ils voulaient survivre, il fallait pas qu'ils restent. Il y en a un qui a une grosse tache marron derrière et un peu jaunâtre devant. Jaune devant, marron derrière. C'est ça. En fait, vous allez les retrouver dans la grande pièce ici. Toi qui se trouve du proche de la porte là, et en mode, c'est toi pas à l'aise du tout. Toi, quand ils entendent les bruits, vos bruits de pas revenir et tout ça, en fait, ils ont leur épée tournée vers vous, et en mode, toi, ils s'attendaient pas trop à savoir qu'est-ce qu'il allait leur sortir en fait. Bah, du coup, je passe ma tête par la porte, je les regarde et je fais bou. Bon, je vous laisse les jouer, hein. Après, c'est vous qui voyez les réactions qu'ils ont. Hein. Ensuite, du coup, je me tourne. Arbiteur ! J'avance, de toute façon, je suis derrière toi. Hein. Oui, non, mais du coup, je me tourne. Arbitre ! Ah, bah, t'es là. L'arbiteur, il les regarde, mais avec un dédain. Mais de. Le dédain des éons. Et il est en mode. Quoi ? Et il dira juste ça et il continuera. Bon, je vous laisse, mais clairement, bon, ça les touche beaucoup quand même. Hein, que tu leur dis je que suis déçu. Je ne suis pas en colère, je suis déçu. Ah, ah, ah, ah. Mais bon, enfin, après, ok, mais même toi, tu sais que c'était un combat qui enfin... Même. Ouais, toi-même tu sais, hein. Sans risque, pas de gloire. C'est ça, c'est genre. Il est clairement dit que les servants de l'ultime se doivent d'aller au combat, au péril de leur vie, quitte à y mourir. Ce sera mieux que de mourir en lâche. Voilà, c'est comme ça. Là. Donc, et moi j'arrive derrière à côté. T'es... Alors, on les tue. Le moment de panique, c'est en mode. Ah, on s'inquiétait pas, c'était une blague. Arbiteur, arrête tout de suite. Bah, du coup, je regarde en direction des deux gars, je fais non, mais en fait, je suis sûr qu'il ne faisait que surveiller nos arrières, n'est-ce pas, les gars? Oui. J'ai connu plus convaincant, mais on va dire que c'est ça. Attends, t'en as un qui s'est chié dessus, qui s'est pissé dessus, et l'autre il est à faune, quoi. Ouais, niveau entraînement, c'est pas encore ça, du coup, hein, je dirais. Je pense qu'il y a encore quelques lacunes. Ça laisse un peu à désirer quand même. D'ailleurs, c'est comme ça que tu t'appelles maintenant, on pointe envers un dégât, Désiré. Voilà. Allez, Désiré, au pied, on y va. Du coup, on se dirige vers la sortie et moi j'ai mon espadon qui me sert de béquille. Alors, du coup, on se dirige surtout vers la porte qui s'est fermée derrière nous quand j'ai accès à la porte. Je vous rappelle qu'il y a une porte fermée ici, et vous n'avez aucune idée de comment l'ouvrir actuellement. Non, mais c'est bon, j'ai une clé. Elle rentre bien quelque part. Bien, je pense ta fois, ouais, quand tu peux la rentrer, ta clé. Dit-il en se penchant sur son. Putain, j'ai pas d'idée là. Actuellement, sur si tu bardiche. Veux. Voilà, dit-il, se penchant sur sa bardiche. si tu veux, actuellement, tu vois rien là en fait dans cette pièce actuellement qui peut te donner une idée qu'il y a une clé en fait activée. Je vais étudier le mécanisme de la porte. Putain, j'arrive pas à me souvenir ce que j'ai fait en venant sur la porte, parce que du coup ça doit être un truc similaire tous les coups. Tu avais, alors c'était la porte en fait avec les ronces qui s'était ouvert en plusieurs parti. Tu l'avais en fait, tu l'avais crocheté, mais tu, donc t'avais pas trouvé le mécanisme réel. T'avais juste réussi à le crocheter, à trouver un truc à côté, quoi. Mais ça avait débloqué, ça avait rebloqué la porte de derrière. Voilà. De souvenir. Hein, je fais ça. Alors, il y a celle. Je rappelle que dans, juste pour rappel, voilà, dans cette pièce. C'est en fait t'as des tu sais du métal poli en fait dans tous les sens et que tu as oui tu as fait la dernière fois aussi et tu as au milieu tu sais le fameux globe tu sais le petit globe qui avait oui mais bon ça c'est des conneries, nous savons tous que le monde est plat. C'est parti. Ouais, bah du coup, je vais étudier tout le bousin un petit peu, hein, écoute. Ah, mais le globe, clairement, c'est une fausse piste, parce que nous savons tous que le monde est plat. C'est pour les non-initiés, ça. Moi, par curiosité, je vais quand même aller voir. Oui, et puis il va appuyer sur trois boutons au pif et ça va marcher, parce qu'elle est énervante comme ça, celle-là. Peut-être qu'elle est juste plus douée que toi. Ah. L'interjection qui veut tout et rien dire. Ouais, je me vois mal. Là, c'est juste là une question de termes de règles. Je me vois mal juste rebalancer un truc que j'utilise en ticket alors que je l'ai déjà utilisé dans cette salle, tu vois, donc j'ai essayé de trouver un autre moyen de résoudre le truc parce que juste reposer les mêmes questions. Oui, non, non, mais pour le coup, en fait, ben, t'as deux choix en fait, hein, par rapport à ce que tu sais de la salle. C'est bah, le mécanisme lié à cette clé et pas dans cette salle mais ailleurs, voilà. La vérité ou tu retentes de forcer la porte, enfin tu sais plus, t'avais un truc comme ça, hein, c'est comme ça que t'avais ouvert une fois. Alors celle-là non, justement celle-là c'était ils voulaient la forcer les autres. Et moi, justement, il y avait un piège que j'ai désamorcé, machin, etc. Et là, on a sur celle-là, sur celle qui est maintenant fermée, donc celle-là, là, on l'a ouverte correctement en se servant du mécanisme. Ouverte, mais c'est ça. C'est celle de derrière que j'ai crochetée, mais du c'est coup, ça. J'ai déclenché en la crochetant, j'ai déclenché la fermeture de l'autre. C'est ça. Donc tu te dis, bah, y a peut-être moyen soit de la crocheter ou soit de trouver peut-être l'utilisation de la clé, mais dans une autre salle, quoi. Écoute, on va la crocheter et puis si ça marche pas, on se servira de la clé. Voilà. Mais ça va marcher parce que je suis doué en crochetage. Succès partiel, vous y parvenez, mais le MJ, vous voulez choisir deux options parmi suspicion, danger ou coup. Ouais, enfin, tu réussis, enfin, on va changer de truc. Tu réussis. Voilà, il y a pas de souci. On considère que comme l'autre tout à l'heure, enfin voilà, celle-ci se referme. Voilà. Toi, tu vois que tu rebloques le fait de pouvoir retourner par ici, quoi. En fait, c'est un sas. Donc la porte s'ouvre. Voilà, tu ouvres la porte, tu es en train de pousser pour qu'elle s'ouvre. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Sauf que vous pensiez tomber sur une grande salle noire et vide. Oui, il y a l'autre connard qui est là, je suis sûr. Ce n'est pas du tout le cas, bien entendu. Tu croises bien sûr le regard de ton ennemi Yann Owe. Il est arrivé. Qui n'est bien sûr pas tout seul. Ils sont arrivés. Il est avec lui une petite douzaine de gros bras. Voilà. Alors. Et là, il a les bras croisés et il te voit sortir et, avec un petit sourire et. Il te fait « Ah, tu as enfin trouvé mon petit trésor !» Et voilà, il se... Ami, il ouais, bah du coup, je me tourne. Désiré, je crois qu'il parle de toi. De quoi j'ai pas demandé ça, moi. Non, mais trésor, c'est l'autre. Ah oui, bah merci. Alors, oui, bon, Désiré, trésor, à l'attaque. Ouais, quand même, clairement, il voit qu'il y a quand même 12 gars. Ouais, mais attends, ça va, on est 4, quoi. Oui, voilà, franchement, c'est, je veux dire, c'est pas équilibré, ils sont que 12 contre nous 4. Vous voulez relancer un combat? Bah écoute, je sais pas, pour l'instant, moi, tu vois, je vais le chambrer un peu quand même, parce que merde, c'est... Oui, c'est... oui non, c'est... mais voilà, bah, tu... Bon, dans tous les cas, t'as les deux gars qui, bon, s'approchent, toi, se mettent devant, ils ont, tu sais, tiré les épées, le bouclier, mais bon, tu vois qu'ils... Enfin voilà, ils sortent de la salle où vous êtes, mais toi, pas ultra, pas à fond, quoi, à 2 contre 12, ils vont pas non plus... Et là, enfin, du coup, ils... moi, je m'avance... Et je commence à sortir mon odachi de son fourreau. Vous êtes sûr? Je recharge mes biceps. Clac, clac, clac, clac. Alors, comme ça, on est venu admirer mon travail. Tu vois qui... Il rigole un petit peu et fait « Non, je... Cette fois, tu m'as fait le coup, je te rends juste la monnaie de ta pièce. La dernière fois, c'est moi qui fais tout le travail et tu as récupéré le fameux artefact. Et cette fois, je te laisse faire le travail et cette fois, c'est moi qui le récupère. Allez, envoie-moi l'artefact et tu pourras sortir vivant de ce tombeau. » Alors déjà, je te ferai savoir que je ne t'ai jamais fait un coup comme ça, je ne t'ai jamais attendu avec... Avec 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup. Ouais, voilà, avec 1, 2, 3, 4, 5, avec des gens, voilà. Et je te ferai savoir aussi que, je veux dire... Tu m'as laissé pour mort. Oui, tu as fermé la porte alors que t'avais la moyen de la laisser ouverte. Mais t'étais mort, putain! Qu'est-ce que t'en as à foutre d'une porte ouverte? Mais j'étais pas mort! J'étais en train de courir, tu me voyais! Je t'ai même dit de garder la porte ouverte! Mais non, mais c'est un malentendu! T'as toujours pas compris! Et il liche aussi, lui? Ils sont mignons, vous avez vu? Ils font une dispute d'amoureux. Pardon? je crois que... les deux en même temps. Oui, c'est temps. Ça, mais. Pardon. Et tout d'un coup, t'entends un. Non. Mais non, non, t'entends un. Oui. Oui. Oui. Bon. Non, non, mais bon, plus sérieusement, là, machin. Ah, comment tu t'appelles déjà? Ah oui, non mais c'est vrai, un jour j'arriverai à m'en souvenir peut-être. Tu vois qu'il fulmine quoi, il fait... Putain, ouais ouais, putain, un jour quand t'auras fait des trucs importants. Heinrich. Oui parce je que ne tu me vois, répéterai toi, pas. Tu vas te souvenir de mon nom parce que moi je suis compétent. Burn. C'était surtout un con pédant, oui. Bon, sinon, là, les autres qui sont avec lui, donc vous voyez que votre chef, c'est pas, disons, la plus grande des lumières. Alors, je vous propose de venir travailler pour moi. Vous avez qu'à demander à... C'était quoi déjà? Ah oui, Désiré et Trésor, si on est bien traité. Ah, vous êtes bien traité, Désiré et Trésor. Toi qui regarde tous du côté de l'arbitre. Oui. L'arbitre qui grogne derrière eux. Donc, soyez honnêtes, les gars, ça vaut pas la peine que vous vous blessiez pour des conneries qui, je veux dire, vous intéressent pas de près ou de loin. Et de toute façon, je veux dire, déjà, il est en train de me faire un coup de travers. Donc, clairement, il va vous faire un coup de travers dès que vous serez sorti d'ici, si vous sortez d'ici. Donc, venez bosser pour moi, je vous paye le double de ce qu'il paye, et voilà, affaire réglée. Ça tombe bien, il n'a pas encore payé. Ok, bah, pour le coup, on voilà, t'essayes de les embobiner. Bah oui. Ce qu'on ne savait pas, c'est que c'est que des mecs que t'as déjà entourloupé par le passé. C'est genre tous les mecs que t'as niqué. Alors oui, mais non. À ce moment-là, je demanderai à ce que ce soit une action avis de recherche, et du coup, je peux l'attribuer à quelqu'un d'autre dans mon groupe. pour le coup, non. Là, c'est pas. C'est des gros bras qu'il a engagé. Oui, bah, là, donc. Il n'a pas encore sorti la confrérie des anti-Heinrich. Qui est une confrérie qui existe, hein. C'est ça. De toute façon, non, mais elle est écrite depuis le départ avec ce perso, hein, je le dis tout de suite. Hein. C'est juste qu'elle n'est pas encore sortie, clairement. Ah oui, mais clairement, t'as vu comme je le joue, hein. C'est putain, c'est j'attends le moment. T'es un connard. Non. Donc. Non mais on en reparlera, mais là tu fais-moi un G de attends, hop. Alors moi je dirais défier le danger sur le carry. T'as un truc négocié, je sais pas si c'est négocié quand vous négociez avec un PNJ et que vous avez une monnaie d'échange. Oui, bah écoute, ouais, c'est ça. De toute façon, moi, c'est un jet. Dans les deux cas, ce sera un jet de charisme, donc oui. Tu, pour moi, dans tous les cas, tu es en train de sortir, c'est toi qui as le sceptre, tu sais, qui brille de tout de mille lieux. Donc quand tu dis que tu pourras les payer, voilà, ils voient tous que tu as le truc, donc voilà, à voir si ça fonctionne ou pas. Ça marche, oui. Ah, c'est ça. C'est le PNJ fera ce que vous demandez si vous apportez immédiatement la preuve que vous tiendrez la parole. Donc ouais, en gros. Bah, du coup, je pointe vers le sceptre que j'ai en main. Bon, vous voyez, ça vaut cher ce truc. J'ai clairement les moyens de vous payer. Lui, il vous a montré quoi pour pouvoir vous payer déjà? Des promesses, il me semble. Hein. C'est son genre en plus. Et toi, t'entends un, il y en a un qui était au loin, peut-être dans les derniers, il fait « Ouais, il a dit qu'il faisait une promesse de paiement, mais j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, ça. » Ça veut dire que tu t'es fait avoir, viens avec moi. Bon, lance-moi, lance-moi un des 12. On va voir sur le nombre de... combien ? 5, ok. Toi, qu'il y en a 5 qui vont sortir un peu du lot et venir un peu dans ta direction. Toi, t'as Yann, ton némésis là qui. Mais revenez ici, voyons. Comme je vous ai dit que je vous paierai. J'ai pas la bourse ici. Vous savez, vous êtes les premiers à savoir que si on donne l'argent tout de suite, y a rien qui se passe. Faites pas avoir par lui. Oui, parce qu'en c'est plus, trop beau pour être parce vrai. Parce qu'en plus, il vous traite de malhonnête. Moi, je bosserais pas pour lui si j'étais vous, hein. Donc, tu vois qu'il y en a 5 qui viennent de ton côté. Vas-y, tiens, voilà. Ok, bah tu vois que sur les. T'en as 2 qui s'en vont. Tu les vois, vous les voyez monter, prendre les marches et monter. Donc il reste 5 gars avec lui. Tu sens que toi il est pas à l'aise d'avoir plus que 5 gars, alors qu'en face vous êtes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 maintenant. Donc vous avez tourné un peu la balance. Il regarde en fait un gars qui est à sa droite qui, ben, qui semblait être un peu plus proche de lui, hein, clairement, qui devait peut-être le connaître un peu plus. Et il lui donne un petit coup sur, la, sur le biceps. Et te et commence à faire un petit pas en arrière et te lancer. Je t'aurai, Heinrich. Peut-être pas aujourd'hui. Mais je t'aurai. Oui, bah, bah c'est ça, Yvan. Au revoir. J'ai envie de te dire que ton ami, Yvan du rêve. Hey, elle est pas mal celle-là, Klaus. Merci. C'est de Yvan. Yvan du rêve. Tu vois que voilà, c'est un mot en fait que tu le vois monter les escaliers. Mais toi de façon toi en faisant attention quoi voilà que vous les suivez pas enfin vous essayez pas de faire une charge et tout ça quoi. Bon clairement t'as un dégât un peu plus peut-être un peu plus intelligent des 5 gars et qui revient vers toi et fait bon c'est bien beau tout ça mais on voudra notre paye, hein. Ne faites pas le. Dans le tourloupe. Non, bien sûr. Loin de moi l'idée. Je suis Heinrich Fuchscroft après tout, je n'ai qu'une parole. Ouais, tu vois qu'il. Bon, il te regarde avec un petit œil méfiant, et puis bon, après, il fait. Ouais, ouais. On verra bien. De toute façon, vous allez où jusqu'à là? Vous devez vendre ça où pour avoir du fric là. Ça? Oh bah je me disais que au chien des enfers qui tousse, il y aurait toujours moyen de faire affaire. Mais avant d'y aller, nous devons faire un petit détour pour mon ami Klaus. C'était quoi déjà ton machin? Une bestiole à tuer, je crois. Voilà, nous avons une bestiole à tuer sur le chemin du retour pour mon ami Klaus. C'est, je veux dire, c'est tout un truc, vous voyez, parce que je veux dire, voilà, les bestioles, les chasses, enfin, argent, tout ça, vous comprenez, gagner sa croûte, etc. Donc, voilà, mais après, on ira au chien des enfers qui tous et ça va se régler. Ok. Bullshit. Oui, non mais voilà ça passe. Comment on dit Tesco en allemand? Ce que t'avais dit. Gesundheit. Gesundheit. Et là je range ma Zweihändler dans mon dos évidemment. Donc voilà, je vous propose en fait d'arrêter peut-être à la sortie du. Ouais. Mmh. Oui, ça fait un bon moment pour couper. C'est ça, à la sortie en fait du mausolée, juste pour un peu la scène de fin en fait. Au moment où vous sortez, vous voyez que vous êtes encore dans la. Enfin, vous êtes rentré en fait de nuit, de souvenir, hein, début de nuit ou je sais plus quoi. Je crois. J'avais ça. En fait, là, vous voyez que bah, vous avez pris quand même du temps, mais voilà, vous ressentez encore dans cette nuit où il doit être peut-être 3h du mat, un truc du genre, quoi. Alors, vous êtes rentré en début de. Du coup, un camp. Du coup, ouais, du coup, mes amis, je vous propose de monter un camp ici. Je pense pas que nous irons plus loin aujourd'hui. Je pense qu'il vaut mieux le faire à l'intérieur, du coup. À l'abri de la pluie, oui. Ah oui, non, mais bien sûr, quand je dis bah, ici, là, c'est pas forcément ici, littéralement, là où je suis debout, mais... Donc, clairement, là, oui. En fait, quand vous sortez en fait, des marches, hein, tu sais, vous avez, c'est, comme je dis, c'est un des gros mausolées, en fait, vous voyez que vous êtes encore couvert hein, par les... Ah oui, d'accord, oui. Par le truc. Oui, c'est vraiment une grosse entrée, quoi. Et en fait, vous remarquez aussi un truc dans cette nuit, en fait, c'est que vous entendez encore des combats. Et vous voyez qu'il y a des cris, un peu des cris au loin et des secteurs qui sont quasiment en feu ou en fumée, enfin il y a fumée, tout ça. Vous comprenez que c'est une soirée très mouvementée dans la ville. Oui, après, d'un autre côté, c'est les ruines de Wellersburg. Je veux dire, il y a toujours des gens qui se battent là-dedans. Oui, non, mais même, enfin voilà, comme je dis, je le précise, c'est quand même une nuit très mouvementée. Ah bah, on mettra des tours de garde. Le bruit des combats est une douce mélopée à mes oreilles pour m'aider à m'endormir. Chacun son truc. Psychopathe. Chacun son truc, on va pas juger. Désiré, sort, pouvez aller chercher de quoi faire un vœu, s'il vous plaît. D'ailleurs, Klaus, à ce propos, donc, t'as vu comment on peut gérer les trucs avec subtilité? Avec qui? Ouh, on verra ça un autre jour. Très bien. Hop, on va se remettre là. Ok, donc. Ouais, de mon côté, je profiterai de la nuit pour demander à Ikat ce qu'elle a pu apprendre. Sur la personne qu'elle devait trouver l'identité. Ok. Je te dirai ça la prochaine fois. On fait quoi? On fait le camp en début de partie de la prochaine ou on le fait maintenant? On le fait début de la prochaine partie parce que s'il y a des trucs qui se passent, ouais, on va oublier d'ici là. Donc... Ouais, c'est ça. Ouais. Je préfère. Je note vite fait. Donc, vous avez 5 gars de plus. Donc, les deux marqués. 5 gars, Ça sert à rien que tu commences à te mettre des rappels, parce que je veux dire, à chaque fois que tu mets des rappels, tu oublies. Ouais, mais là, comme ça, tout le monde le voit. Ok. Non, mais moi, je croyais que tu me parlais dans les trucs, mes notes que je notais, en fait. C'est pour ça que je comprenais pas. Non, je parlais pas du tout à toi, en fait. Oui, hein. Oui, non, c'est pour ça que je cogis, mais... Mais oui, mais non, mais j'ai... Non, parce que toi, avec toutes les conneries qu'on débite à la seconde, oui, il vaut mieux que tu prennes des notes, en fait. Hein. Ouais, je garde des trucs, alors des autres, je vous laisse les ressortir si vous avez besoin. J'avoue, on a quand même été pas mal prolifique ce soir. Hein. Ouais, ah, mais là, le lore, il a doublé de volume. Hein. Gaspard Savoureux et ses deux gardiens, Gorgonzola et Gorgon Ramsay. C'est bon, hein, c'est canon maintenant. Hein. Gaspard Savoureux, pour moi, c'est la meilleure vanne de la soirée, celle-là. Gorgon Ramsay m'a tué, quoi. Grand chef des trois fromages et tout à fait. Très bien. Donc on a fini la séance. Pour le coup, Célène, je suis en train de regarder, tu as pas noté tes points d'XP que tu as gagné. Ah non, c'est vrai. Donc pour tout tes ratés, oublie pas de les noter. Ça me fait penser que j'ai oublié de noter ma soif de sang et mon handicap. Voilà, ça fait juste pour changer de musique là. Charisme. Ça fait 2 points en fait. Oh, plus que ça, t'as fait plus d'échecs que ça. Bah, il y en a un, c'était un misclick, donc je le compte. Ouais, pas. Elle a eu un misclick et le reste, c'était comme moi, c'était que du partiel en fait. Ouais. C'était Magie Spirit. Et il n'y avait pas beaucoup de fails hein, ce soir. Bah, c'est ça, elle a fait que 2 ratés. Ah ouais. Elle a fait le rappel de l'esprit une fois et elle a fait le soin. Ah, d'accord, ok, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que t'avais fait plus que ça. Bon, bah, c'est moi qui. Parce qu'il y avait toi, un misclick. Hein, comme quoi. Non, oui, c'est juste qu'on en a fait tout un fromage de ces fails. C'est ça. Fromage. Alors, Gorgonzola. Donc, quand vous finissez une session de jeu, si vous pensez qu'un de vos liens est résolu, vous en avez fait le tour, il n'est plus pertinent ou autre, demandez au joueur PJ lié au vôtre s'il pense de même. Si c'est le cas, gagnez un XP. Donc on va commencer par Selene. Est-ce que un de tes liens s'est terminé? Aucun. Oui. Bon bah c'est rapide. Donc Heinrich. Aujourd'hui non. J'ai fait une petite tentative avec Klaus sur la fin, mais bon, avec qui? Ouais, bon, hein, ça sera pas pour aujourd'hui. Hein, donc, non. Non, non, non. Ok. Klaus. Bah, il y a bien mon histoire du concours de bites où j'ai buté une liche, mais... Ouais, mais je crois que ça, c'est encore en cours, hein, parce que oui. Bon... Je pense qu'il y en a un qui va pas être d'accord pour mettre fin au concours maintenant. Disons que j'ai marqué un point dans le concours. T'as marqué un point de rien du tout, j'en ai marqué un. J'ai marqué un point, ta gueule. C'est moi qui l'ai tué, la liche, mec. Pour le coup, oui. Enfin, je rappelle que même si vous voyez les points de dégâts... Oui, je sais, ça, mais bon... aucune possibilité de... Voilà, quoi. Il reste ah si, on voyait que ses couilles rebondissaient, moi au moins je faisais des vrais trucs, merde. Eh, c'est quand même moi qui ai mis le dernier coup, le coup final, le coup ultime, tu vois. Et ouais, et pour un ultime comme toi, hein. Eh, c'est pour ça que j'ai utilisé ultime, c'est moi qui ai mis le coup ultime, tu vois. Tac, petit okay. Taquet au passage. Ok, donc c'est pas... Vous pensez que c'est encore, voilà, ça mérite encore ouais, un peu de plus. C'est pending. Okay. Donc, Mister Habiter. Non. Ok, donc rien de plus. Très bien. Donc par la suite, tac. Si c'est le cas, donc je pense qu'après c'est les l'alignement, je crois. Tous les mains, vérifiez si vous avez joué en fonction de votre alignement au moins une fois dans la session. Donc oui. Certaines personnes, oui. Mais on va commencer par Selene. Bah, je dirais que oui, parce que j'ai quand même réussi à soigner un peu Klaus. Du coup, j'ai utilisé ma magie pour aider quelqu'un. Qu'en oui. penses-tu? Oh bah oui, complètement. Oui. Oui, c'est bon. Pour moi, tu prends un XP. Oui, ça remplit clairement les critères. Bah oui, non, mais c'est ça. Donc, tu gagnes un XP. Amy. Heinrich, oui, bon bah je sais que oui. Découvrir un trésor puissant et le garder pour soi, oui. Et j'ai même envie de dire que j'ai été particulièrement doué cette fois-ci. Question, le totem est-il réellement puissant? Le vrai ou le faux? Le faux totem, ça reste quand même le sceptre d'une liche aussi, donc je veux dire, ça doit pas être de la merde non plus, hein. Donc ça se trouve, il est complètement mondain, en fait, c'est surtout ça. Mais... Je disais ça pour rigoler, hein. C'est juste pour mes soirées, c'est tout. C'est ça. Ah, mais c'est pour impressionner les gens, en fait. Il fait rien, il est en plastique. C'est des fausses gemmes. C'est ça, regarde, hein. C'est du toc, je t'avais dit. Oui, alors, le truc, c'est qu'on a combattu la liche Tultuti, mais pas la liche Jeff Goldblum, tu vois, donc, hein. Mais que tu le dis, elle ressemblait vachement. Merde. Donc, très bien. Donc, Heinrich, tu gagnes ton XP. Klaus. Mais moi, j'ai envie de dire oui, en même temps, je sais pas. Parce que c'est mettre à profit votre soif pour exécuter un ennemi redoutable. Alors, j'exécute un ennemi redoutable. Mais j'avais pas de soif de sang. Pas de soif, pas de Alors je sais pas trop. Ouais, en même temps, c'est pas tous les jours qu'on croise une liche. Voilà, de 1, de 2, ouais. Moi je dirais on lui compte, oui, parce que là, même. C'est juste. je veux dire, là, là c'est juste, on va pas s'arrêter sur un point de détail de mécanique de jeu, quoi. Bah, c'est votre... T'as soif, tu n'as pas... T'as pas reculé devant... Ah non, bah non, je... Pardon ? J'aurais eu des bonnes heures, sauf que j'y serais allé pareil, hein. Oui. Lui, il s'est reculé pour tirer à l'arbalète. Il a pas pris de potion de soin. Il s'est fait soigner, mais voilà. Ouais, après, voilà c'est autre chose. Non, mais voilà, après, c'est autre chose. C'est pas lui qui a choisi. Oui, non, mais c'est, d'un autre côté, c'est, je veux dire, on lui demande pas d'être débile non plus, tu vois. C'est... Non, j'accorde. Vas-y. Ah, puis t'as pas eu un toucher rectal bizarre, toi, donc. C'est pas faux. Parce que les examens de la surprise. Non, mec, t'as pas eu un toucher rectal, t'as eu un toucher spectral. Pardon. C'est pas pareil, monsieur. Ça m'a fait la même sensation. Oui, c'est un des effets secondaires. Surtout que s'il est prêt à deux fois, quand même. Ok, Arbiter. Oui. Et oui, pour moi. 100% oui. Oui, c'est quoi le tien déjà de nouveau ? Se mettre en danger en suivant les préceptes de son maître. Oui. Ah oui. Oui. Tiens, est-ce que je fais des dégâts en plus 1 ? Ah bah merde, je vais peut-être mourir. Ça passe. Au moment où je l'ai fait, il me restait 7 PV. Du coup, il y avait en gros une chance sur 3 que je claque à ce moment-là. Non, mais voilà, pour le coup, c'est prenable. Très bien. Donc, on arrive aux questions. Avons-nous appris quelque chose de nouveau et d'important sur le monde ? Oui, il y a les 3 fromages qui sont menés par Gaspard Savoureux, qui... dont les 2 gardiens sont les 2 Gorgones, Zola et Ramsay. Et parmi ce trio, il y avait la liche Toultoutim. Et il y a aussi, merde, comment il s'appelle on avait trouvé le troisième à un moment. Et le nain Cromant est toujours là. Mais toujours dans les toilettes. Ah putain, c'était lui. Ah les cons. Les copains. C'est lui qui a activé. Sortez-moi d'ici, c'est ton géant. Je sais tellement pas ce truc là parce que je sais même pas comment je pourrais m'en servir, quoi. C'est marrant. Mais tu n'es pas obligé. Tu te sens pas obligé de te servir de tout, hein, parce que tu vas devenir taré sinon. Non, ouais, je dis, j'arrive à me sortir de pas mal de choses, mais là, je... Ah oui, non, c'est vraiment... Jusqu'ici, tu t'en es vraiment très très bien sorti, félicitations à toi. Mais tout le monde a ses limites, hein, et c'est tout à fait compréhensible, personne t'en voudra. C'est ça. Par contre, je tiens quand même à noter qu'on a effectivement appris un truc, c'est que le nain-croman, ou l'esprit qui est derrière le nain-croman, est toujours là. Oui, mais nous, on n'est pas foncièrement au courant du nain-croman. C'est ça. Oui, mais en tant que joueur, on l'est. Oui. Là, c'est le joueur qui prend l'XP, c'est pas le personnage qui dit « J'ai évolué !» Oui, non, c'est clairement sur la question « Avons-nous appris quelque chose d'important et de nouveau sur le monde ?» C'est un petit peu plus méta que les autres questions, clairement. Hein. Donc, je dirais, ouais. Même en faisant abstraction des conneries, on a appris un truc important. Donc, oui, il y avait les 3 fromages qui... Oh merde, il y a 3 fromages. Okay. Donc, oui, donc, nous avons trouvé le nom de notre deux clampins. Trésor et Désiré. Que je vous rappelle, c'est quand même vos gars techniquement les plus c'est les plus capés, aptes, les plus, pas les plus capés, les plus volontaires. Faut pas demander le vrai nom des autres. Je mets le retour des yeux. Les yeux noirs. Ce qu'il a dit. Oui, j'ai marqué. Oui, le retour des. Entre guillemets, majuscule, tout noir. Voilà. Bon, avons-nous vaincu un ennemi ou un monstre remarquable? Non. Oui. Non, mais non, je trouve pas. Oui, moi, je vois pas ce qu'il avait de remarquable. Bah, on l'a remarqué. Donc, il était remarquable. Alors, Lich Tool, tout team. Bon, juste pour info, hein, elle avait 20 PV, mais attends, 8 d'armure. Attends, une seconde, du coup, tu es en train de me dire que la Lich s'appelle Tim? Ça doit être un prédicant magicien. La Lich s'appelle Tim. C'est marrant, voilà, il nous a pas demandé notre nom ou notre couleur favorite. C'est pas faux. Donc ouais, donc voilà, comme je disais, elle avait 20 PV, mais elle avait 8 d'armure en fait. Ouais, bah du coup, ça absorbe hein, pour le coup. Bah oui, c'est pour ça que ça absorbait vachement. Elle tapait sec quand même. Hein. Oui, bah vous, après, je vais pas dire combien elle tapait, vous l'avez bien remarqué ça. Sec. Oui. Bah, j'avais annoncé que ça allait être une... Ah, ça allait être compliqué. Gros, hein. Ah oui, non, c'est, je veux dire, au bout d'un moment, hein, si nos conneries, elles finissent pas par un petit peu se retourner contre nous de temps en temps aussi, ça serait pas drôle. Voilà. Ouais, on veut une Lich, wesh, lol, haha, YOLO. Tiens. Ah merde, c'est une Lich, elle fait mal. Et comment ça se fait? Comment se fait? Donc voilà, donc oui, vous avez gagné bien sûr un XP en plus pour Salah Lich. Avons-nous trouvé un trésor mémorable? Oui. Oui. En tout cas, le sceptre de la Lich. Non, le totem du basilic. Non, le sceptre de la Lich. Le totem du basilic, c'est le sceptre de la Lich. Qui permettra d'assaisonner tous nos plats à perfection. Oui, bah c'est ce que je dis, c'est le sceptre de la Lich. Là, j'avais appris des XP, mais que sur les trucs de fin, quoi. Ah, tiens, toi aussi. Ouais. Ouais, moi ça va, je suis à 11 sur 9, tout va bien. Je suis à 7 sur 9. Putain, on est exactement la même chose. Vous avez pris 3, vous avez pris, tous pris 4 minimum. Bah oui, ouais. Mais je suis minimum, hein. C'est après au niveau des j'ai raté. Je vais faire mon niveau parce que je sais déjà exactement ce que je vais prendre. Donc voilà, donc on a fait tous les trucs, hein, voilà, les questions de fin de session. Donc c'était une session un peu plus orientée combat, hein. On va pas se le cacher connerie. À la base. Grosse connerie, oui. Alors pour non, info. Pour info, la petite épisode de fin face à Yann, c'était prévu dès que tu rentrais en fait. Hein, c'était ça. Oui, non, mais ça, je m'y attendais gros. Soyons honnêtes, j'aurais été très déçu s'il n'y avait pas eu. Hein. Oui, bah c'est, voilà, c'était fallait se douter hein, à un moment donné. Non mais de toute façon il faut se rendre compte que bah quand même grâce à l'adbar de l'exécuteur tout s'est bien passé. Oui bah oui. Donc ok. Alors petit, on va faire un petit débrief vite fait quand même. Hein. Célène, on va commencer par Célène. Toi, est-ce que t'as des trucs à remonter, à redire de cette session? Vous m'avez fait pleurer de rire. J'ai adoré. À votre service, madame. Vous revenez quand vous voulez. Non. Et ouais, bon, c'était pas simple, hein, c'est sûr. Hein. Non, mais c'était bien poilant. Ok, Heinrich. Écoute, comme dit, je veux dire, t'as fait exactement le truc que je voulais que tu fasses avec Yann. Du coup, j'ai fait exprès d'appeler Yvan parce que, voilà, lol. Là, c'est drôle, j'arrive pas à me souvenir de son nom. Ouais, mais Yvan, Non, non, mais voilà, c'est du coup, non, c'était cool, ça. Je commence à bien aimer le petit va-et-vient entre lui et moi. Et puis, j'ai hâte de découvrir la confrérie des détesteurs de Heinrich. Ouais, c'est un connard. Il m'a fait à l'envers, hein, moi et ma femme. Enfin, moi, il m'a fait à l'envers. Elle, il l'a fait tout court. Hein. Ok, Klaus. Non, mais rien à dire. Moi, j'aime beaucoup changer d'arme au fur et à mesure de la séance. Ah oui, j'avoue non, que je suis plutôt content d'avoir sorti le Jean-Michel Fauracor de. Ah oui, franchement. J'ai juste envie de le garder et voir jusqu'où je peux aller dans les armes à deux mains, quoi. Franchement, meilleur running gag de cette saison pour l'instant, je trouve. C'est ça. Ah, c'est... Parce que, mais si tu veux, c'est ça, c'est juste au moment où t'as sorti les trucs en mode oui, alors je le tape avec la hache, ok. Non, c'est toi qui a dit la hache. Moi, c'est toi qui a dit la hache, j'ai pas eu le temps de regarder mes armes. Je fais ouais, ça doit être ça. je suis pas sûr que c'est moi qui dis la hache en fait. Non, c'est lui qui l'a dit en plus. Ouais, c'est toi qui a dit la hache. Non, j'ai pas dit ma hache, j'ai dit je tape avec mon arme, j'ai pas dit ma hache. Non, à un moment t'as parlé d'une hache et du coup tout le monde s'est posé la question. Moi j'ai récupéré la hache, c'est tout quoi. J'ai fait bon bah ok, il a une hache, moi j'ai même pas cherché. Ouais, parce que moi aussi j'étais à un moment où j'étais à Mais bon, bref, on s'en fout. Mais voilà, non mais toi, c'est ça qui m'a fait marrer, c'est ouais, je tape avec la hache, ouais, là je tire avec mon arbalète, ouais, je tape avec le. Avec ma clémore. La clémore. Ouais, tu. Non mais je voyais très. Mais en plus, j'ai voyais, c'était vraiment dans ma tête, j'avais vraiment le truc du mode, mais toi, je voyais. Le moment où toi t'as les deux gars qui sont en train de faire le montage qui le fait, montage. On a un putain de faux raccord, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, laisse-le, t'inquiète pas. Ça passe, c'est pas flagrant. Non mais voilà, quoi, personne ne remarquera. Personne ne remarquera faux raccord, t'inquiète. Bon, vas-y. Voilà. Ok. Et Mister The Arbiter. Big Monster. Ah bah... Ah bah le Big Monster, là... c'est moi qui l'ai tué. Hein. Ouais. Oui mais bon. Après voilà, je t'ai mis un héros, enfin pas un héros, un monstre qui voilà et pouvait être dangereux pour toi. Bah oui, ça normal. Et je voilà. Il l'a été. J'ai mon... Alors j'avoue, hein, la liche, j'ai monté un peu ses vies et un peu son armure, mais ça, bon, par rapport à toi, j'étais un peu obligé. Mais, les dégâts, j'ai pris les dégâts, oui, les dégâts qui sont marqués dans le truc, qui sont bien de 10 dégâts, D10 plus 3, et qui ignorent l'armure. C'était même pas toi. Coup, ouais. C'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est quand vous avez choisi une liche, elle ignore l'armure dans ses dégâts. Ouais, mais plein de jets d'enfoirés que t'as fait aussi. Ah oui, j'ai fait des. Ouais, d'un autre côté, t'as vu les jets que. Tu vois, je peux pas te parler, mais t'as vu les jets que j'ai fait aussi. Oui, oui, vous avez fait quand même des jets. T'as fait quand même. Toi, Xubi, t'as fait quand même un 9. Ouais. Arbiter a fait un 7 j'ai plus fait, les 1 des 6. Alors, attends. J'ai fait. Bah, le premier déjà. Le premier a fait. Le premier, j'ai fait 11 plus 2, j'ai fait 13. Deuxième, j'ai fait 12, je crois. Non, j'ai fait plus que ça. Deuxième, je fais 14. Et après, si, hein, heureusement, en fait, que je me suis dit, tiens, ouais, je vais monter l'armure, je vais monter un peu les PV pour que ça soit une niche un peu plus costaud. Ouais. Et en fait, j'ai bien fait, hein, parce que sinon, après, en fait, il y avait 6 buté où j'ai rien fait. Oui, il y a des moments où vous avez tapé, vous avez pas fait de dégâts, en fait. C'est ça. Techniquement, en fait, vous l'avez tué en 4 coups qui sont passés. Ouais. Parce que vous avez fait 5 dégâts, 3 dégâts, 6 dégâts, 4 dégâts. Et les 2 de fin. C'est ça. Du coup, sur les 4 instances de dégâts, il y en a 3 qui sont à moi. Ouais, mais mec, j'ai tapé aussi. Oui, mais voilà, fallait pas être... Fallait pas être mauvais et se faire KS. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi j'ai tapé autant que toi, mes coups sont passés pareil et c'est moi qui l'ai tué au final. Enfin bon, voilà, mais pour le coup, voilà, c'était un petit petite cliché. Bon, qui est. Alors, vous savez, les petites phrases qui sont dites, en fait, c'est. En fait, il y a tout un texte sous la liche. J'ai récupéré ouais. quelques phrases dedans, en fait, pour. Ouais, d'accord. C'était. Ouais, pour la mise en abîme, pour pas que ce soit juste un gros squelette à buter, quoi. C'est ça, ouais. Bon. Normalement, en fait, le coup du. Tu sais, de passer le bonjour à la mort, en fait, c'est elle dit. Quand vous rencontrez la mort, passez-lui le bonjour de ma part. Bon, j'ai dit, bon, je vais le changer, j'aime bien celle-là, mais je voulais le sortir, en fait, si je tuais quelqu'un, en fait. Mais comme j'ai pas tué quelqu'un... Mais t'étais pas loin ah, j'étais pas loin, j'avoue que... On a quand même pris cher, nous, hein, au CAC, pendant que l'autre se planquait et que l'autre, elle est... Alors, je sais pas, ouais, je sais pas ce qu'elle faisait. Je suis coup, désolé, mais non, je me suis pas planqué, j'ai participé à tout le combat. Mm-hmm. Pour le coup, alors vraiment, ah, Célène. Qui c'est qui a interrompu l'incantation déjà? Ah, c'est Bibi, ouais, voilà, ah, vos gueules. Ouais, bah pour le coup, Célène, ouais, c'est pas... Dans le coup de bite. Ouais, c'est pas de bol en fait. Je. Enfin voilà, j'avais bien précisé la dernière fois en disant oui, tu l'auras vraiment pas, donc c'est vraiment bloquant, mais bon, tu as décidé. Mais on en ressortira quelque chose de sympa. Voilà. Un choix qui a été fait, on voit, je vois pour la prochaine fois, mais je te donnerai les infos. Ok. Bon, bah très bien, donc on va couper là, donc prochaine partie pour nous c'est dans 2 semaines, ça fera le 6, vendredi 6 mars, okay. S'il n'y a pas de soucis entre nous, enfin on verra, mais pire. Donc bah merci à tous et à toutes d'avoir suivi, et on se dit à la prochaine, ciao ciao. Yes, ciao.